gagner la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 Cactus avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 135 € par mois. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km. Après un premier loyer de 1 800 €, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. C'est l'heure de la météo maintenant sur RMC. La météo avec Kevin Fleury. Bonjour Kevin. Bonjour François. Avec un temps très très perturbé en ce moment sur l'est de la France, des pluies présentes sur la région Grand Est qui redescendent en ce moment progressivement vers la Bourgogne-Franche-Comté qui devrait toucher la région Rhône-Alpes dans ces prochaines heures. Ailleurs, des averses, un temps beaucoup plus agréable le long de la Méditerranée malgré ce vent fort, 90 km/h localement, et du temps très agréable également annoncé sur la côte atlantique dans ces prochaines heures. Les températures, elles évolueront de 13 degrés à Aurillac à 25 degrés le long de la Méditerranée. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix de Singapour. 15h, Football Ligue 1, Montpellier-Nice. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Racing 92 Toulon. Et à 20h45, retour à la Ligue 1 avec Marseille-Lyon. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans un instant, le week-end des experts. L'auto, il est 8h sur RMC. Toute l'actu avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Violente, très violente explosion. C'était cette nuit à New York, quartier de Chelsea. L'hypothèse terroriste est écartée. 20 personnes ont été blessées. À Paris, là, c'était une fausse alerte. Panique générale malgré tout en plein centre. L'effort spécial déployé après un appel faisant état d'une prise d'otage hier après-midi. Et puis le sport, le tennis. Richard Gasquet va devoir se surpasser. Demi-finale de Coupe Davis. Les Bleus sont menés 2-1 par la Croatie. Il est 8h sur RMC. Bonjour à tous. Ce matin, le cœur de Manhattan à New York est bouclé. Quartier de Chelsea, il était 20h45 heure locale quand une explosion très violente a été ressentie. 29 personnes blessées. C'est le premier bilan. Philippe Gassot, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis. Philippe, la thèse terroriste est donc pour l'instant écartée. Eh bien oui, 29 personnes au moins ont été blessées à Manhattan après la très forte explosion qui a secoué le quartier branché de Chelsea, noir de monde la nuit dernière, avec ses bars et ses restaurants. Il ne s'agit en aucun cas d'un accident, mais bien d'un geste intentionnel. Selon les premières constatations, un engin explosif aurait été déposé dans une benne à ordures. Il s'agirait peut-être d'une pipe bombe, c'est-à-dire un engin artisanal, un tuyau de chauffage central rempli de poudre et de grenailles. Ces bombes sont en général la signature de miliciens américains anti-gouvernement. Le maire de New York, Bill de Blasio, admet qu'aucun élément pour le moment ne relie cet attentat à une opération terroriste. Il n'empêche que les unités antiterroristes mènent l'enquête sans qu'il y ait confirmation pour le moment. Une autre bombe aurait été retrouvée à proximité des lieux de l'attentat. Philippe Gassot, le correspondant d'RMC aux États-Unis, puis on l'apprenait il y a quelques minutes dans le Minnesota, cette fois état du nord américain. 8 personnes ont été blessées à l'arme blanche dans un centre commercial. L'assaillant a été abattu. Les États-Unis toujours pointés du doigt concernant leur action en Syrie, précisément le bombardement d'une position dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Les autorités américaines l'ont avoué. Elles ont fait une erreur. Elles pensaient frapper l'État islamique, sauf que ce sont plusieurs dizaines de soldats syriens qui ont été tués. La Russie dénonce et un conseil de sécurité de l'ONU s'est tenu en urgence cette nuit. Mouvement de panique, plusieurs heures d'effroi à Paris. Alerte, attentat, soupçon de prise d'otage hier après-midi dans le quartier de Châtelet-Léal, tout ça est venu d'un coup de téléphone passé à la police, mais finalement, c'était donc une fausse alerte, Pauline Baduel. Tout part d'un mouvement de foule près de l'église Saint-Leu. Ses occupants s'enferment par précaution. Un appel au 17 évoque une prise d'otage. La police arrive sur place. Pierre, un paroissien, se trouvait à l'intérieur. On entendait les hélicos, etc. On pensait qu'il y avait une prise d'otage ici. Les forces spéciales, un par un, ils nous ont dit de venir en ayant les mains sur la tête. Le laser qui croise vos yeux de temps en temps. Une centaine de policiers mobilisés. L'opération dure plus d'une heure. Mamadou travaillait juste en face. On a eu vraiment peur aussi parce que nous, les gens, on pensait que c'était une bombe dans l'église. police et tout, en fait. On a eu tous peur. L'alerte attentat a été déclenchée, mais très vite, la préfecture de police de Paris précise qu'il s'agit d'une fausse alerte. Patrice Latron, son porte-parole. Ça a démontré l'extrême réactivité des forces de l'ordre et de la BRI. Et ça a démontré leur aptitude à intervenir extrêmement rapidement dans Paris. Cette fausse alerte intervient dans un contexte particulier. Le Premier ministre a rappelé que la menace terroriste en France restait maximale. Le reportage de Pauline Baduel, c'est une étude rare. Elle a été menée par l'Institut Montaigne. Elle est dévoilée ce matin dans le journal du dimanche. Qui sont les musulmans de France? C'est la question. 66% d'entre eux accordent une grande importance à la religion. Les musulmans sont entre 3 et 4 millions en France. Un tiers sont rigoristes, les jeunes surtout. Un tiers ne fréquentent pas de mosquée. La politique et le calendrier présidentiel de Marine Le Pen qui se dévoile. Le Front National réuni à Fréjus tout le week-end. La candidate tiendra son meeting cet après-midi. Mais elle a eu le temps hier d'attaquer ses possibles futurs concurrents. Nicolas Sarkozy, par exemple, qui critiquait cette semaine son manque d'expérience. Je ne vais pas lui répondre. Je vais demander aux Français de se souvenir qu'à chaque élection, Nicolas Sarkozy a montré de lui une image d'autorité sur l'immigration et qu'en réalité, à chaque fois qu'il a été en situation, il a été le promoteur d'une immigration massive, d'une discrimination positive qui va directement à l'encontre des valeurs de la République française, de l'effondrement des moyens de la police, de la gendarmerie, du refus de respecter la parole du peuple français. Marine Le Pen au micro de Stéphanie Collier. 1 milliard d'euros pour prendre soin de nos autoroutes. C'est le plan lancé ce matin dans le JDD par le ministre des Transports Alain Vidalis. 1 milliard d'euros pour 50 dossiers de rénovation, d'aménagement du réseau, projet financé par des augmentations de tarifs, des péages et ainsi que par les collectivités. Et justement, sur ce thème, un de ces chantiers fait débat. Il s'agit de l'A45 entre Lyon et Saint-Étienne. Nouvelle autoroute et colère des associations sur place. Elles organisent un rassemblement aujourd'hui. Colère parce que le projet ne sert à rien, disent-elles, et surtout, il aura une incidence sur l'agriculture, Léa Zaccari. Jérôme et son frère gèrent une exploitation de vaches laitières en plein sur le tracé de la future autoroute. Une catastrophe pour les agriculteurs. Toute notre exploitation va être coupée en deux. Donc pour le pâturage des vaches, ça va être très compliqué. Les cultures aussi, très compliqué de produire des fourrages correctement. Évoqué par la région des 93, le projet s'est brusquement accéléré cet été avec le vote de crédit par le conseil régional. Coût de la construction, 1,2 milliard. Pour Jérôme, c'est la fin du bonheur dans le pré. Moi, quand ça a été voté, ça a été un coup de on pensait pas, ça fait 25 ans que le projet est dans les clous, et on pensait pas qu'un jour ce soit voté parce que tellement le projet était fou et destructeur. Avec ce rassemblement citoyen, Jérôme espère faire bouger les choses et engendrer une grande vague de mobilisation dans la région. Mais c'est sûr que si ça évolue pas, on engagera une résistance un peu plus citoyenne, un peu plus dur, pour montrer qu'on défend notre territoire et qu'on veut pas qu'une autoroute passe chez nous, quoi. Les travaux doivent débuter en 2018 et dureront 4 ans. Il est 8h06 sur EMC. S'ils veulent revivre une finale de Coupe Davis, les tennismen français n'ont plus le choix. Ils ne peuvent plus perdre. Menés 2-1 par la Croatie en demi-finale, l'équipe de Yannick Noah et Richard Gasquet en tête n'ont pas le droit à l'erreur, Eric Salio. Oui, finalement, Richard Gasquet se retrouve dans la même position inconfortable que lors de la finale de la Coupe Davis face à la Suisse. Il devait battre Federer pour maintenir la France en vie. Aujourd'hui, il doit vaincre Marin Cilic, l'homme fort des Croates. Mais à la différence de la rencontre de Lille où il avait suppléé Tsonga, le Français a un match dans les jambes. Ça n'a pas échappé à Yannick Noah. Il a fait un bon premier match. C'est un joueur qui, du jour au lendemain, peut sortir un très bon match. Il a rien à perdre. Compte tenu du contexte, Richard Gasquet est en quête de la plus belle victoire de sa carrière en Coupe Davis. Techniquement, selon Lucas Pouille, il a les armes. Avec son revers, il va pouvoir essayer de le sortir, le faire bouger, ce que moi j'ai pas vraiment réussi à faire. On sera tous derrière lui en tout cas. Yannick Noah en premier lieu, qui rêvait tout haut. Richie qui gagne là-bas le match, ça aurait de la gueule quoi, contre Cilic ici, ça aurait vraiment de la gueule. Donc voilà, ça serait un bonheur quoi. Oui capitaine, mais garde tout de même à la sortie de route. Le football, et c'est un document RMC Sport, les premiers mots de Franck McCourt, le futur nouveau président de l'OM, Marseille qui reçoit Lyon ce soir. Et avant cela, l'Américain a dévoilé ses ambitions. Je ne suis pas les Qataris, c'est impossible. Mais je vous le dis, je mettrai plus de moyens que par le passé. Je vais augmenter le budget du club. On va avoir un plus gros budget et on va recruter de bons joueurs tout en développant nos jeunes talents afin de nous développer localement, mais aussi autour du monde. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir jouer à l'OM, mais nous devons devenir le genre de club qui fait venir les grands joueurs. Mais je ne vais pas faire chèque sur chèque comme les Qataris. C'est impossible. Les résultats d'hier, Monaco a gagné 3-0 face à Rennes. Angers est allé battre Bordeaux 1-0, même score pour Lorient face à Lille. L'un partout entre Nantes et Nancy, 0-0 entre Dijon et Metz. Enfin, Toulouse a battu Guingamp 2-1. Les Jeux Paralympiques, ils touchent à leur fin. La flamme s'éteindra demain soir. Et hier, les Bleus ont empoché une nouvelle médaille médaille d'or, titre signé Nantenin Keita sur 400 mètres, Mélanie Ferreira. Il y a d'abord la Nanto sportive, donc en 14 ans de carrière paralympique, elle est devenue l'un des piliers de l'équipe de France, selon son amie et coéquipière Marie-Amélie Le Fur. Elle anime un groupe, elle fait passer vraiment des beaux messages, c'est une athlète exceptionnelle, mais trop perfectionniste. Une exigence envers elle-même héritée de son père, le grand musicien malien Salif Keita, albinos comme elle. Mon père, il m'a toujours dit, il faudra que tu en fasses plus que les autres. J'ai plus souffert du fait d'être albinos que du fait d'être déficiente visuelle. Quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi mes enfants voulaient pas jouer avec moi. Pourquoi tout le monde me fuyait. Aujourd'hui, elle est l'ambassadrice de la fondation créée par son père qui défend les droits des albinos en Afrique. Et si moi, je peux être un espoir pour d'autres, ce serait juste génial, quoi. Aujourd'hui, il y a pas mal d'albinos qui font des choses juste extraordinaires. Nantenin Keita vient de le prouver en remportant fièrement sa première médaille d'or paralympique. Le reportage à Rio de Mélanie Ferreira, 8h09 sur RMC. François, les courses. Tiercé Quarté Quinté Plus à Vincennes cet après-midi, Thomas. Et Sébastien Darras nous conseille de retenir le 4 Pionnier Gare, l'As Vesta du Goutier. Brahim Asloum reste fidèle au 14 Univers de Dédou. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 7 Vic du Pomereux et le 8 Vasco de Viette. Le 4, l'As, le 14, le 7 et le 8. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Dans un instant, ce sera votre rendez-vous auto sur RMC. Le week-end des experts auto avec Jean-Luc Moreau. Toutes vos questions dédiées aux voitures, bien sûr, dès maintenant au 3216 ou bien auto@rmc.fr. N'hésitez pas, on est là dans une minute. À tout de suite. RMC. Du 10 au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Credit et acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akena règne sur la France depuis plus de 35 ans, d'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle. Akena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akena? Chez vous, bien sûr. Akena, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Pendant ce temps, chez Renault... Bienvenue aux portes ouvertes French Touch. Du 15 au 19 septembre, venez découvrir la toute nouvelle Renault Clio avec son design encore plus séduisant. Et à cette occasion, la French Touch vous sort le grand jeu avec des offres exceptionnelles et une nouvelle Renault Mégane GT à gagner. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, c'est RMC, il est 8h12. Et c'est parti pour ce week-end des experts auto, comme tous les dimanches. Deux heures dédiées à l'automobile, c'est exclusif RMC, c'est avec Jean-Luc Moreau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Le réveil a sonné donc. Le réveil a sonné ce matin. Je me demandais d'ailleurs quel jour on était. Oui, parce que vous savez qu'on a failli, c'était dimanche. On a failli ne pas avoir Jean-Luc Moreau ce matin. Je vous raconte un petit peu. Il croyait que c'était un autre jour, donc il a failli pas venir. J'ai failli couper le réveil et me rendormir, ouais. Ouais, ça aurait été sympa, ça, tiens. Ouais, et puis après, je me suis posé la question, je me suis dit, voyons, alors attends, hier c'était samedi, aujourd'hui c'est quoi? Et je crois que j'ai un truc le dimanche matin. La semaine dernière, je me suis bien trompé de 6 mois en parlant du sommaire d'Automoto, où je vous ai dit c'était février, janvier. En fait, c'était septembre. Il va falloir redémarrer Jean-Luc Moreau, je pense. Bon, bah, bienvenue dans ce rendez-vous auto. Patrick, dans un instant, qui va nous parler de sa Land Rover. Tout à l'heure, l'essai de la semaine, ce sera la Renault Talisman. C'est le break du modèle haut de gamme de chez Renault. Une voiture archi bourrée de paradoxes. Oh mon Dieu. Eh ben oui, bon, on va voir ça dans un instant. Notre bon plan auto, peut-on écoper d'une amende de plusieurs millions d'euros pour excès de vitesse? On va voir ça tout à l'heure. Vous trouvez ça drôle? Je sais pas, mais plusieurs millions pour un excès de vitesse, ça fait quand même pas mal. Eh ben c'est possible. C'est possible en France? Ouais. Eh bien dites-moi. On en est dans un pays merveilleux. Ah oui, le pays le plus autophobe du monde. Tout à l'heure, on parlera d'un sujet sérieux, Jean-Luc. tous ces systèmes aujourd'hui qu'on a dans les véhicules, les GPS. On va appeler ça infodivertissement pour, voilà, pour employer un mot français. Voilà. C'est les écrans tactiles. Exactement. Sur les, voilà, dans les voitures, les smartphones, etc. Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est un danger? Oui, alors on en profitera pour rappeler la loi. Oui, que certains ne connaissent pas, puisque alors même pour on parle de l'automobile, mais on va parler également de tous les usagers de la route, hein, le vélo, les deux roues, les etc. piétons. Exactement. Alors les piétons sont pas soumis aux mêmes règles. Ouais, mais vous savez quoi, les piétons qui traversent en chassant le Pokémon, ouais, ou même en voyant des SMS en regardant pas la route, voilà, bah c'est dangereux aussi. Et puis on parlera de ces nouveaux systèmes qui arrivent, qui s'appellent Android Auto ou Apple CarPlay. Est-ce que c'est bien, pas bien, qu'est-ce que ça fait? Vous saurez tout. On verra à l'heure. Ça tout à l'heure. Une enquête nationale Ipsos sur les Français, la mobilité électrique, et puis on retrouvera à la fin de ce rendez-vous auto toute l'actualité de la semaine avec automoto.com comme avec chaque un fois. Scoop. Oui, avec un scoop, les trois prochaines DS. Ah. DS, la marque premium. D'accord. De PSA. Oui. Eh bien, vous saurez tout sur les modèles jusqu'en 2020. Ouh là là, c'est que c'est la classe. Allez, ça sera tout à l'heure. Bienvenue dans ce rendez-vous auto 32-16 pour nous joindre. On accueille Patrick tout de suite. Bonjour Patrick. Oui. Bienvenue. Bonjour Patrick. Bonjour François, bonjour Jean-Luc. Je vous présente Jean-Luc Moreau qui vient de se réveiller. Ouais. Patrick. Bonjour, ça, ça arrive, bonjour. Hein, cela dit, ça arrive, attendez. Dimanche matin aussi, il faut y aller gentiment. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Bah, un petit coup de gueule, quoi, parce que j'ai un Range Rover depuis 2012, un 258 boîte 8, et puis pour faire vidanger la boîte, c'est vraiment problématique, quoi. Donc j'ai appelé plusieurs concessions et il n'y a pas moyen de faire vidanger. On nous dit que le constructeur nous dit qu'il faut aller jusqu'à 240 000 km. Non, c'est non, pas conseillé. Non. Alors, j'en ai quand même trouvé une à force de me fâcher à Mérignac. Il y en a deux à Bordeaux. D'accord. Et j'en ai trouvé une à Mérignac où le chef d'atelier m'a dit, non, faut le faire. Mais j'ai appelé La Rochelle, j'ai appelé Mérignac, j'ai appelé... Et non, quoi. Je voyais... Il est bien le monsieur de Mérignac. Parce qu'autrement, j'allais vous dire, si vous pouvez pas le faire, je vous le rachète 1000 euros, moi, votre Land Rover. Non. Après, par contre, j'avais trouvé, mais c'était loin parce que je suis dans le sud de Charente. J'ai compris, parce que j'allais vous dire, la boîte, en fait, comme vous avez la boîte 8, c'est la boîte ZF, donc une boîte moderne. On a eu le président de ZF qui était invité à une émission, à qui j'ai posé la question. J'ai dit, alors, vous qui fabriquez les boîtes, dites-nous, et là, les concessionnaires, ouvrez grand vos oreilles, vous qui fabriquez la boîte, dites-nous si oui ou non, il y a de l'entretien sur les boîtes automatiques. La réponse a été un oui franc et massif. À 60 000 km, on doit faire une vidange de la boîte. Sauf que une vidange de la boîte, c'est pas comme une vidange de l'huile moteur. Ça ne peut être fait que par un professionnel. Et ce qui dérange les professionnels, c'est qu'ils savent pas le faire la plupart du temps. C'est pour ça qu'ils vous disent il n'y a pas d'entretien sur une boîte automatique. Ou alors on fait comme dans votre cas, la vidange à 250 000 km. C'est complètement dingue de dire ça, parce que même si l'huile a pas tout à fait les mêmes contraintes dans une boîte que l'huile moteur, on comprend bien que des pièces qui tournent, des engrenages, etc., forcément, ça va, il va y avoir une usure de l'huile, il y a des particules qui vont être transportées par cette huile. Donc il faut une boîte automatique, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est pas fragile, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et le moindre petit grain de sable, entre guillemets, dans cette mécanique de précision peut l'empêcher de fonctionner correctement. C'est pour ça qu'il faut faire des vidanges régulières, des boîtes automatiques. J'avais posé la question au président de ZF parce que BMW, alors vous êtes, c'est pas un cas unique Land Rover, hein, BMW disait en France pas d'entretien sur les boîtes auto, alors qu'en Allemagne, ils préconisent une vidange tous les 80 000 km maximum, tous les 5 ans. Les X4 et X5, X6, ils ont la même boîte, là. J'ai téléphoné à BM pour savoir. Ils m'ont dit le même. Oui, la boîte ZF, elle est montée. Il y a aussi des Jeeps. C'est aujourd'hui, c'est une des meilleures boîtes automatiques qui existent sur le marché. Bon, le fabricant, il sait de quoi il parle quand il dit qu'il faut faire la vidange. Et c'est pareil pour toutes les boîtes automatiques. Il n'y a pas une boîte automatique au monde qui ne nécessite pas d'entretien. Ça n'existe pas. Donc, les concessionnaires qui disent, il n'y a pas d'entretien, qu'ils soient honnêtes, qui disent, nous, on n'est pas formés, on sait pas le faire, donc on ne le fera pas parce qu'on veut pas prendre le risque. C'est vrai qu'il y a un risque, hein, si c'est mal fait, on peut dégommer la boîte. Donc il faut faire très attention, c'est une opération délicate. Donc il ferait mieux de dire, nous on ne sait pas le faire, mais qui racontent pas aux gens, il n'y a pas d'entretien sur une boîte automatique, c'est pas vrai. Et ça devient un vrai problème, puisque en France aujourd'hui, le pourcentage des boîtes automatiques est en train d'augmenter d'une façon spectaculaire. Oui. Peugeot vend aujourd'hui 50% de boîtes automatiques sur les nouveaux modèles qui sont commercialisés. Je ne sais pas si vous imaginez. On est passé de 5% il y a 15 ans à 50% aujourd'hui. Donc il va falloir que les concessionnaires se forment à l'entretien des boîtes automatiques. Ils n'ont pas d'autre choix, puisque demain, il y aura une majorité du parc qui sera en boîte automatique. Mais c'est du plaisir hein, quand on a une bonne boîte. Ah bah oui, évidemment, on n'a pas envie de revenir en arrière, jamais. Jamais. Quand ils nous annoncent que c'est la fiabilité, c'est évident. Moi, c'est ce qu'ils m'ont annoncé. Alors, ils m'ont mis un peu la trouille. Donc, j'ai cherché après sur Internet. Mmh. Ils m'ont dit que la fiabilité, s'ils faisaient, c'était pas une obligation qu'elle fonctionne correctement derrière. Quoi. Donc, Non. Si c'est bien fait, il ne peut pas y avoir de risque de fiabilité si c'est fait correctement. Mais comme je vous ai dit, c'est une opération délicate. Donc, c'est pour ça que c'est un professionnel qui doit le faire. Et si on met trop d'huile ou pas assez, la boîte ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça qu'ils veulent pas se risquer. Patrick, merci. On revient dans un instant, Jean-Luc. Et nous aurons Marie qui va nous parler de sa Zoé. Le 32-16, auto@rmc.fr, comme chaque dimanche. Jean-Luc Moreau m'accompagne. C'est votre rendez-vous auto de la semaine sur RMC. Et c'est exclusif RMC. À tout de suite. RMC, 8h-10h. Votre auto. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Avec l'UFC Que Choisir, réduisez vos factures de gaz ou d'électricité. Inscrivez-vous sur choisirensemble.fr. Je me suis inscrite il y a 2 ans pour le gaz et j'ai économisé plus de 200 € sur 1 an. Avec en prime, un contrat sûr et l'accompagnement de l'UFC Que Choisir. Au début, j'étais méfiant. Mais c'est simple, avec à la clé de sacrées économies. Cette année, je m'inscris aussi pour l'électricité. Avec l'UFC Que Choisir, mobilisons-nous. Soyons plus pour payer moins. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur choisirensemble.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Alice va tester à l'aveugle des sodas Lemon Lime. Le soda Sprite à 63 centimes le litre, puis le soda Lidl à 48 centimes le litre. Alice. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur le Sprite non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Sprite, 95 centimes les 1 litre 5. Soda Lemon Lime Lidl, 95 centimes les 2 litres. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Mardi, la Ligue Nationale de Basket présente le Vendée Basket Show LNB au Vent d'Espace avec RMC. Le champion de France en titre, l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, affronte le vainqueur de la Coupe de France, le Mans Basket, pour décrocher le premier trophée de la saison. Profitez également d'une rencontre de gala entre le club historique du Limoges CSP et l'équipe espagnole de Valencia. Réservez dès maintenant sur www.vendespace.vendée.fr. Le Vendée Basket Show LNB, mardi au Vendespace avec RMC. Une Yaris hybride ? T'as encore été augmenté ? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 € par mois. Une hybride à 159 € par mois ? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là ? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris Hybrid est au prix exceptionnel de 159 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1990 €. Bonus écologique 750 € déduit sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans. Sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Allez, le retour du week-end des experts d'automobile. Merci d'être là. Jean-Luc Moreau attend vos questions auto au 3216 ou bien auto@rmc.fr. Tiens, là, on a entendu une voiture démarrer. C'est pas une Zoé, hein, non, Jean-Luc. Ou alors c'est une Zoé qui est enrouée. Oui. Ça peut arriver. Hein. Zoé, vraiment là, très enrouée. Il faut aller chez le concessionnaire si elle fait ce bruit-là. On va poser d'ailleurs la question à Maryse qui est avec nous. Bonjour Maryse. Bonjour François, bonjour Jean-Luc. Bonjour Marie. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le petit jingle, là il y avait une voiture qui démarrait, elle fait pas ce bruit-là votre Zoé. Oui, non, du tout. Non, parce que si elle fait ce bruit-là. Oui, avec ça. Voilà, c'est ça. Avec ça. Alors, vous êtes une. Je vous posais une Zoé... Zoéphile. Une Zoéphile. Oui, c'est ça. Tout à fait, c'est attention, ça. Attention, il faut faire attention quand on prononce le mot. Oui, oui, oui. Faut le faire doucement. Faut le faire doucement. Mais quand on veut, voilà, si on prononce bien, ça va. Et alors, comment ça se passe avec votre Zoé, Maryse? Alors, ça se passe très bien, toujours très bien, mais je voulais évoquer avec vous le problème de la charge et un autre incident qui est intervenu cette semaine. D'abord, la charge. Habituellement, quand elle charge à 116, 120. Vous aviez évoqué il y a une quinzaine de jours qu'il y avait une protection mini-maxi. Ouais. Et habituellement, elle charge à 116, 120. Ça, c'est normal. Et j'ai eu une charge à 136. Donc, je voulais savoir pourquoi... Elle vous indiquait 136 km d'autonomie restante, c'est ça? D'autonomie. Alors, oui, vous savez, le calcul de l'autonomie dépend de la façon dont vous avez roulé, et pas forcément la veille. C'est un algorithme très compliqué qui prend en compte votre façon de conduire, la consommation d'énergie que vous avez les jours d'avant. Donc, si vous avez, pour une raison X ou Y, un peu moins consommé la semaine ou les semaines précédentes... En effectuant une charge, ce qu'il faudrait vérifier, c'est quelle quantité d'énergie la batterie a embarqué. C'est ça le plus intéressant. Elle n'en a pas embarqué plus que d'habitude, c'est juste que vous aviez dû consommer un peu moins. Elle en avait... Non, c'est l'inverse. Ah bon ? J'avais consommé plus. Oui, c'est mal. Et la charge au départ, quand j'ai mis la batterie, elle était à peu près à 30%. Je vous avais appelé il y a 15 jours pour vous dire que j'ai roulé sur l'autoroute. Donc c'est toujours le même parcours, Martigues-Marseille, toujours le même façon de conduire. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, c'était un jour où j'avais moins chargé, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais comme problème, et quand j'ai mis en charge en arrivant, elle était à plus qu'à 30% d'autonomie. Donc elle était en fait plus déchargée. D'accord. Et le lendemain, donc, j'avais une charge maximum. Oui. Alors ça, dans la gestion du remplissage de la batterie, comment fonctionne le programme qui fait ça? Vous n'avez pas le mode d'emploi, non, là? Non. J'ai pas le mode d'emploi. J'ai pas d'explication rationnelle à vous donner pour ça. Voilà. Je suis franchement désolé, Maryse, et je suis même pas sûr que chez Renault, si je leur pose la question, ils soient capables de me répondre. Hein. Non. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Bon, vous m'auriez dit, c'est l'inverse. Je faisais, elle me donnait 130 km, et puis d'un coup, elle charge plus, elle me donne que 80. Là, c'était pas une bonne nouvelle. Mais là, dans votre cas, c'est plutôt mieux, non? C'est plutôt mieux. Oui, mais est-ce que c'est une information qui est mais franchement, vérifiable, l'autonomie qui est donnée, elle est à titre indicatif. Oui, c'est ça. Franchement, c'est ça. Moi, il m'est arrivé de prendre des voitures électriques. Bon, alors, je sais pas qui avait conduit avant où ça m'indiquait, vous avez 100 km d'autonomie et j'en faisais 150. Hein. Bon, voilà. Bien sûr, parce qu'en fonction de la route. En fonction de la façon de conduire. C'est comme un portable, en fait. Un portable, vous avez 100. C'est ça. Il suffit que vous montiez un petit peu la lumière de votre smartphone, que vous mettiez en route la 4G, etc., le GPS. On va voir. C'est toujours le même parcours que je fais, donc. Ouais, le parcours, il peut y avoir des conditions de température différentes. C'est important. Même pour un véhicule électrique, je sais pas si vous utilisez la clim, il faisait chaud ces derniers temps. Donc le fait d'utiliser un petit peu moins la climatisation, tout de suite, ça va faire une différence sensible en termes d'autonomie. Mmh. Voilà, si vous écoutez des choses comme fond, ça. Voilà, par exemple. Si vous êtes un peu sourd comme François. Pardon? Hein? Pour faire de la radio, il faut être Soug-Eberg. Merci Maryse pour votre appel en tout cas. Mais on n'a pas d'explication à votre info. Enfin, voilà. Moi j'avais une question pour Maryse si elle est encore là. Qu'est-ce qu'elle a comme abonnement pour sa batterie? Vous avez quoi comme abonnement pour votre batterie, Maryse? Alors, moi, comme je roule beaucoup, j'ai pris 20 000 km par an. D'accord. Donc vous payez combien? 100 et quelques 100, euros, 120, je paye, oui, 110 euros par mois. Ouais, par mois. Oui, oui. C'est pas comparable avec le gasoil. Oui, bien sûr, parce que vous faites pas mal. La consommation, de toute manière, est toujours moindre et il y a moins de souci avec ça. J'ai eu un autre incident, si je peux me permettre. Alors, Maryse, vous savez quoi? Maryse, s'il vous plaît. Parce que là, il est bientôt 8h30. J'ai tout le monde qui commence à s'exciter. Là, Thomas Chupin, on a Kevin aussi pour la météo. Donc, vous restez là. On revient dans un instant avec Jean-Luc Moreau et vous pourrez poser votre question. Voilà. À tout de suite, c'était RMC. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon braquage! Renault Twingo est à partir de 99 euros par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500 € si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Producteurs, consommateurs, tous unis chez Intermarché. Intermarché soutient les producteurs d'endives françaises. Le sachet d'un kilo d'endives Origine France est à 1,19€. Oui, 1,19€ le kilo d'endives Origine France. Mais dépêchez-vous, c'est aujourd'hui seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, les enchères sont ouvertes. Chaque jour, dans des ports américains, des conteneurs que personne ne réclame sont vendus au plus offrant. Soit c'est le jackpot, soit la douche froide. Enchères à tout prix, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 208 Style, avec écran tactile Bluetooth et aide au stationnement arrière. Une œuvre signée Peugeot, dont je vous laisse admirer le prix. Pendant les immanquables Peugeot, la 208 Style est à partir de 149€ par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur BFM TV pour BFM Politique. Midi 14h et 18h20. À midi, je reçois Cécile Duflo, candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts. Elle estime qu'il faut une candidature écolo en 2017 et elle débattra avec Jean-François Copé. Et à 19h, le grand débrief politique, mon invité Henri Guénaud. BFM Politique, tout à l'heure 12h14h et 18h20h sur BFM TV avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. La météo sur RMC avec Kevin Cloury. Bonjour Kevin. Bonjour François. Et toujours un temps très pluvieux sur les régions de l'Est, de la pluie qui gagne en ce moment la Bourgogne-Franche-Comté avant de retrouver la vallée du Rhône en seconde partie de journée. Du beau temps ailleurs, notamment le long de la Méditerranée et sur un large quart ouest, le long de l'Atlantique plus particulièrement. Des averses ailleurs. Les températures fraîches cet après-midi, pas plus de 24 degrés aujourd'hui, 25 peut-être à Toulon et seulement 13 degrés encore une fois pour Aurillac. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC 8h30. Un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. C'est l'actualité de la nuit à New York. Très violente explosion dans le centre, dans le quartier à la mode de Chelsea. Acte intentionnel, dit ce matin le maire de la ville. 29 personnes ont été blessées. L'un l'est gravement. La thèse terroriste est pour l'instant écartée. Les États-Unis qui ont commis une erreur. Ce sont les autorités militaires qui l'avouent. Une erreur lorsqu'ils ont décidé de frapper en Syrie, dans la province de Deir ez-Zor. Plusieurs dizaines de soldats syriens ont été tués. La Russie dénonce. Washington explique qu'elle pensait frapper un groupe de soldats de l'État islamique. Plusieurs heures d'effroi au cœur de Paris. C'était hier après-midi. Alerte attentat pendant de longues minutes. La police et les personnes sur place ont pensé à une prise d'otage dans une église proche de Châtelet-Léal. Finalement, c'était une fausse alerte. Mesures préventives au sein de la prison d'Otny dans le Val d'Oise. 4 détenus radicalisés ont été transférés dans 4 établissements distincts. Ils auraient proféré des menaces contre un des surveillants. 300 hectares de calanques partis en fumée. C'était début septembre aux portes de Marseille. Et ce matin, c'est un mineur de 15 ans qui est en détention. Il a reconnu être à l'origine de l'incendie. Il aurait voulu essayer un briquet qu'il avait trouvé. La police pense plutôt à l'acte volontaire. Les sports et les bleus du tennis. Dos au mur, mené 2-1 par la Croatie en demi-finale de Coupe Davis. Le double a perdu hier. Il faudra gagner les deux simples aujourd'hui pour espérer voir la finale. Le football, Monaco toujours intraitable. Victoire 3-0 hier face à Rennes. Et la SM est leader de Ligue 1 des victoires hier pour Angers, Lorient et Toulouse. Et puis rendez-vous Formule 1 ce dimanche 14h sur RMC. Grand Prix de Singapour. Nico Rosberg en pole position. 8h31 sur RMC. François Sorel, Jean-Luc Moreau, messieurs, votre auto. Thomas, super, merci. Prochain point sur l'actu, ce sera tout à l'heure à 9h pour le grand journal de 9h sur RMC. Mais d'ici là, bien sûr, toutes vos questions auto. 32-16, Jean-Luc Moreau est à l'affût. A tout de suite. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. C'était RMC le week-end des experts. Bienvenue chez nous. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon moment en notre compagnie jusqu'à 10h. C'est votre rendez-vous auto. Et ensuite, ce seront les GG du sport jusqu'à 13h. Jean-Luc Moreau, nous avons toujours Maryse propriétaire de Zoé, donc, qui avait une petite question de dernière minute à nous poser, Maryse. Deuxième question à 1000 euros. Allez-y, Maryse, on vous écoute. Oui. C'est moi qui encaisse, hein, Maryse. Après, je... Oui, pas de problème, on s'arrangera après. J'ai eu un problème avec le différentiel, vous savez, ils installent pour la prise qui charge. Ouais. Et dans l'année, le disjoncteur a disjoncté. Ouais. Il a disjoncté, il n'y a pas eu de coupure, rien du tout, uniquement donc le matin quand j'ai voulu prendre la voiture, elle évidemment, était pas chargée. Problème. Elle n'était pas chargée du tout, très peu, pas suffisamment pour aller à Marseille, donc bon, heureusement, j'ai pu m'arranger. Mais voilà, donc il a disjoncté, donc je voulais savoir ça quand même. C'est des choses qui pouvaient arriver fréquemment. Vous savez, ça peut être exceptionnel. Non, c'est relativement exceptionnel, mais ça peut être dû à une surtension qui vient de l'EDF. Ça peut arriver parfois, hein, si vous avez des orages dans la région. Donc c'était lui, pas ça. Il n'y avait pas du tout de liaison avec la météo. C'était. Ça peut être un problème normal. Réseau. À mon avis, c'est plus un problème réseau qu'un problème lié à la voiture. Et le disjoncteur différentiel est là pour protéger justement l'installation. Donc lui, il s'est dit, oula, il y a un truc, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, imaginons que d'un coup il y a eu 260 volts au lieu de 230, bon bah lui il disjoncte, voilà, c'est son boulot. Donc il n'est pas prévu pour absorber ce genre de... Non, lui justement il est prévu pour disjoncter quand il y a un truc qui ne va pas, voilà, il n'est pas prévu pour absorber, c'est pas une centrale électrique, hein. c'est réellement une protection. Donc c'est le risque, c'est vrai que c'est le risque quand on a un véhicule électrique, c'est qu'effectivement dans la nuit, il peut y avoir un problème électrique, il peut y avoir une coupure de courant. Alors normalement, s'il y a une coupure de courant et que le courant revient, la charge reprend, hein, sauf si c'est effectivement une surtension sur la ligne, auquel cas là, le disjoncteur a fonctionné, donc la charge ne reprendra pas. Mais autrement, la charge reprend, sauf si, par exemple, votre voiture est programmée pour ne charger que pendant les heures creuses et que le courant saute et n'est remis qu'une fois qu'on est sorti du tarif heure creuse, et auquel cas là elle chargera plus après. Donc c'est le seul souci aujourd'hui qu'on peut avoir de gestion de la charge d'un véhicule électrique à la maison. Parce que... Donc de temps en temps, il faut se lever la nuit pour regarder. Non. Pour imaginer qu'il y ait... Je sais pas, vous dressez un chien qui hurle à la mort dès que le disjoncteur saute. Voilà, on va falloir trouver une solution. C'est la première fois que ça vous arrive. Oui. Bon, voilà, donc ça arrive pas souvent, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Oui, peut être dû à un autre appareil électrique dans la maison, hein, parce que là j'accusais le réseau, mais ça peut être chez vous, hein. Ça peut être, je sais pas quoi, la machine à café, n'importe quoi, le lave-linge. La nuit. Il bosse pas tout seul la nuit, non? Du tout, non, tout le monde dort la nuit. François qui fait du repassage chez vous la nuit, non, il vient pas non plus. Non plus. Ah, il a des tarifs intéressants, hein. Ouais. Ah, il est à 5 euros de la nuit pour leur passage. Maryse, vous pouvez dire que les blagues de Jean-Luc sont pas terribles. Il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire. Pas un problème, ça passe après. On oublie. Oui, c'est vrai, il faut oublier. Bon, je vous remercie tous les deux. Non, franchement, ça me fait plaisir. Allez-y, continuez. Moi, j'oublie. Je vais vous laisser après le dimanche. Oui, c'est vrai. Merci, Maryse. Bon, dimanche. Merci, à bientôt. Et ça y est, Maryse a complètement oublié toutes vos blagues. Ça y est. Elle a même oublié pourquoi elle avait téléphoné, en fait. Complètement, hein. Je pense. Et vaut mieux pour elle, d'ailleurs. 8h36, c'était RMC, c'est le week-end des experts, c'est l'automobile. Tout à l'heure, avec Jean-Luc, nous allons découvrir la Renault Talisman Estate. Peut-on écoper aussi d'une amende de plusieurs millions d'euros pour excès de vitesse? Ce sera notre bon plan auto dans un instant. Mais auparavant, nous accueillons Christine. Bonjour, Christine. Bonjour. Bienvenue, bonjour, Christine. Bonjour, Christine. Vous nous entendez bien, Christine? Vous avez peur de François, Christine? Je vous comprends, non, non, franchement. Non. Ah ben si, parce que... Je vous entends très bien. Bon. Vous m'entendez pas? Oui, mais c'est pas exceptionnel, si vous voulez, comme liaison téléphonique. Ah, mais parce que j'habite dans la campagne, entourée de montagnes. Ah, c'est pour ça, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Christine? On vous écoute. Ah ben, j'ai un dilemme terrible. C'est-à-dire que j'ai un Tiguan de 10 ans que je voudrais changer et j'hésite entre le nouveau 3008 qui va sortir, le Tiguan actuel, enfin le nouveau Tiguan et la CX-5 Mazda. Voilà, et il y a un nouveau CX-5 qui va sortir aussi. Et franchement, alors vous avez dit il y a de la montagne autour, c'est ça? Oui. Donc l'hiver, est-ce que vous avez vraiment besoin de 4 roues motrices ou pas? Non. Oui, j'ai besoin de 4 roues motrices parce que mon mari va beaucoup dans les collines et voilà. Donc il a besoin de au moins au moins deux roues motrices. Ah bah oui, c'est de toute façon. Non, pas deux roues motrices, je veux dire. Non, au moins un. Avant, j'avais un CRV, on pouvait le passer en 4x4 à volonté ou. D'accord, parce que le 3008 n'est pas disponible en 4 roues motrices. Il est disponible avec ce qu'on appelle un système de traction renforcée, qui s'appelle le grip control, qui permet d'améliorer la motricité sur des terrains glissants, en particulier la neige l'hiver. Bon, si vous mettez des pneus hiver avec ce système-là, normalement, vous passez partout. Si vraiment vous devez accéder à des endroits où il est nécessaire d'avoir 4 roues motrices, de fait, ça va éliminer le 3008. C'est le seul des trois que vous m'avez cité qui n'a pas 4 roues motrices. C'est dommage parce que, personnellement, alors, je n'ai pas encore roulé avec le nouveau. Les essais, c'est début octobre, donc il faudra attendre jusque-là, mais je l'ai vu. Et franchement, d'une part, il est sexy, et puis à l'intérieur, il donne un coup de vieux à toute la concurrence. Hein. Franchement, là, Peugeot a réellement fait quelque chose de très bien. Et puis, c'est toujours bien d'acheter français quand on peut. Et ça serait, à mon avis, le choix si vous n'avez pas réellement besoin des 4 roues motrices. Maintenant, après, le Mazda CX-5, c'est une voiture que j'aime beaucoup, qui, en termes de motorisation, est un petit peu différente de ce que font les concurrents. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin d'un diesel ou d'un essence, que vous roulez beaucoup ou pas. Pas beaucoup, mais a priori, d'après ce qu'ont dit les trois malheureux concessionnaires que j'ai soumis à la question, vu le poids des voitures, à chaque fois, ils m'ont conseillé le diesel par rapport au poids de l'auto. Ils n'ont pas tout à fait tort, parce que vous habitez dans une région montagneuse, et c'est vrai que du couple sur un moteur diesel pour grimper les côtes, c'est quand même assez pratique. Même si les moteurs essence modernes ont aujourd'hui beaucoup de couple, dans le cas des véhicules que vous me citez, c'est sur les diesels que vous trouverez les valeurs de couple les plus importantes. Donc, le Mazda commence à dater un petit peu. Il a un avantage pour moi, c'est que dans des conditions de circulation réelles, le moteur diesel Mazda pollue moins que les autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du système de dépollution, mais eux, ils ont une technologie qui est différente et qui est efficace dans la vraie vie. Vous avez compris, avec toute l'histoire du Dieselgate, que c'était pas le cas de tous les constructeurs, et en particulier de Volkswagen. Voilà. Donc le Tiguan, de ce côté-là, un petit peu moins bien. En revanche, en matière de confort, c'est le... Alors, j'ai pas essayé le 3008 encore, comme je vous ai dit, mais le Tiguan, en matière de confort, est vraiment très bien. Et le nouveau Tiguan, par rapport à l'ancien que vous avez, ça a plus rien à voir. Hein. C'est une voiture complètement nouvelle, qui est plus confortable, qui est plus habitable, qui a un plus grand coffre que l'ancien, parce que le défaut, c'est que je trouve, moi, que l'ancien avait pas un coffre gigantesque. Le nouveau a vraiment un grand coffre. La qualité de construction à l'intérieur, bah, elle a encore progressé, même si c'était déjà bien chez Volkswagen. Et les moteurs, même avec le 2 litres TDI 150 chevaux, franchement, c'est bien. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est un moteur très silencieux. C'est une voiture extrêmement agréable à conduire, et je vous conseillerais, dans la mesure du possible, si vous avez le budget, de prendre une boîte DSG en plus. Alors là, le mariage des deux, c'est vraiment très bien. Donc vous voyez, en fait, j'ai pas bien répondu à votre question, puisque... Et non, vous m'aidez pas du tout. Ben ouais, je vous aide pas. Non, alors je vous dis, pour le moment, même si moi j'aime bien le CX-5, il va y avoir une nouvelle génération, donc peut-être que c'est celui qui date un peu plus. Si vous deviez l'acheter la semaine prochaine, je vous dirais acheter le Tiguan, d'abord parce qu'il est disponible en 4x4, parce que vous avez un choix de motorisation qui est assez vaste en diesel, parce que vous avez l'option DSG, qui, dans votre cas, à mon avis, sera très bien. Maintenant, pour moins cher, si vous n'avez pas besoin des 4 roues motrices, il y a le 3008 qui va arriver. On attend d'essayer le 3008. Jusqu'à présent, c'est une référence en matière de comportement et de confort. Il n'y a pas de raison que le nouveau soit moins bien que l'ancien. Il devrait même être nettement mieux, puisqu'il a une plateforme qui est issue de celle qu'il y a sur la 308. Et la 308, c'est la référence dans sa catégorie. Donc, ouais, à mon avis, il va casser la baraque, le 3008. Le truc, c'est que je peux pas vous le vendre maintenant. J'ai pas roulé avec. Donc, il va falloir attendre un petit peu, Christine. Il va falloir nous écouter encore pendant au moins un mois. Vous vous rendez compte? Ce que je vous inflige. Vous me donnez la réponse pour Noël? Non, mais non, avant Noël. Non, je vous ai dit, les essais, c'est quelque chose comme le 10 et 11 octobre. Ouais, donc, en fait, voilà, première tard, quinzaine d'octobre, on parlera du 3008. Très attendu, quand même. Oui, complètement. Ouais, sûr, et donc là, vous saurez ce que j'en pense. Et à la limite, je vous fais un clin d'œil en disant, Christine, allez-y, quoi. Voilà. Mais il faut nous écouter. Faites des clins d'œil, vous. À la radio, oui, ça marche bien. Ah oui, oui. Ah, ouais. Oui. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que si on n'est pas au courant, personne ne le sait. Ben non. Voilà. 8h42, c'était RMC, c'est le week-end des experts. Des clins d'œil maintenant, on aura tout vu. Bon plan auto de cette semaine, Jean-Luc Moreau. Ah ouais, bah tiens, c'est pour vous ça, le grand excès de vitesse. Peut-on écoper, écoutez bien, d'une amende de plusieurs millions d'euros pour excès de vitesse? Alors la réponse est oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut rouler avec une fusée. 50 km/h au-dessus de la vitesse, en imaginant. Parce que vous allez voir, ce que la loi française permet, et que je trouve extraordinaire, on est vraiment dans le pays des libertés, il vaut mieux en fait être un immigré sans papier qui vole une voiture et qui lui ne craint rien, plutôt que de posséder par exemple un véhicule que vous avez mis des années, une voiture de collection, une Fuego. Bon alors là par contre, l'amende de 1 million d'euros, je sais pas, puis même dépasser de 50 km/h la vitesse, sauf si vous êtes en ville, ça va pas être vraiment possible avec la Fuego. Mais il y a des portions parfois de voies rapides qui sont limitées à 50 ou à 70. Il est possible avec une voiture très puissante de se retrouver, bon, on peut pas dire qu'on le fait pas exprès, au-dessus de 50 km/h au-dessus de la vitesse, on est fatalement conscient qu'on est largement au-dessus de la vitesse. Mais sans vraiment se rendre compte qu'on est aussi vite que ça, on peut se faire prendre. Alors si c'est la première fois que vous faites prendre en excès de vitesse, plus de 50 km/h, donc grand excès de vitesse, on peut vous confisquer votre véhicule. Ça arrive très peu. C'est-à-dire que la plupart du temps, Très peu souvent. Ouais. Bon, vous écoperez d'une amende. En revanche, en cas de récidive, c'est-à-dire que la semaine d'après, vous repassez au même endroit et le même radar et vous faites prendre encore 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Bon, déjà, il faut être un peu abruti. Cette fois, la confiscation est obligatoire. Alors, ensuite, après, libre au juge de justifier ou non la confiscation du véhicule. Mais la confiscation est obligatoire. D'accord. Au bout du deuxième excès de vitesse de plus de 50 km. Exactement. D'accord. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si vous avez une voiture, on confisque votre voiture, on vous la rend pas, hein. Elle va être vendue ou détruite. Bon, dans le cas de la Fuego, c'est la casse, hein, c'est sûr. Vous êtes sûr? Ah, ouais, c'est sûr. D'accord. Voilà. Mais elle va être vendue au profit des domaines. Donc, si votre voiture, vous avez, par exemple, vous êtes payé votre petit cadeau de Noël, vous êtes payé la nouvelle Bugatti. Donc vous avez dépensé 2,5 millions d'euros pour acheter cette voiture-là. Vous, évidemment, comme ça roule à 420 km/h, vous êtes un peu fait prendre sur l'autoroute. On était en première, en essayant, on était à 180. Voilà, vous êtes fait prendre sur l'autoroute un petit peu vite. La semaine d'après, pareil, pas de pot. On vous confisque votre voiture. La Cour de cassation a estimé que il y a un automobiliste à qui c'est arrivé. C'est pour ça que il avait pas une Bugatti Veyron, mais il avait une Porsche qui était relativement chère. Son véhicule a été confisqué. Normalement, c'est une contravention qui est punie au maximum d'une amende de 1 500 €. Or là, on vous confisque un véhicule qui peut valoir plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers. Ah oui, on vend la voiture. Oui, la voiture vous est confisquée. C'est-à-dire que si vous l'avez payé 2 millions, 5 millions, 10 millions, vous avez acheté une Ferrari de collection, vous l'avez payé 15 millions d'euros, d'accord, on vous confisque le véhicule. Et après, elle appartient à l'État. Elle appartient à l'État. Donc ils en font ce qu'ils veulent. En fait, vous écopez d'une amende de 15 millions d'euros. Ah oui. Tiens. Voilà. On est le seul pays du monde où il peut se passer des choses comme ça. Enfin, cela dit, Et c'est pas, alors, on peut dire oui, ça arrive pas souvent. Oui. Le fait est, mais, c'est arrivé et il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui a confirmé que effectivement le véhicule pouvait être vendu au profit de l'État. Bon. 8h46, Jean-Luc, on revient dans un instant avec l'essai de la semaine et vos questions auto au 32-16. On est là jusqu'à 10h, à tout de suite. RMC jusqu'à 10h. Votre auto. RMC. Deux petits points séparent Nico Rosberg de Lewis Hamilton, leader du classement pilote. Ce week-end, les Formula roulent de nuit à Marina Bay pour le Grand Prix de Singapour. Cet après-midi à 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formula. Petit message, Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Ici, la 308 allure. La berline compacte, avec navigation sur écran tactile, projecteur full LED et aide au stationnement. À un prix remarquable. Pendant les immanquables Peugeot, la 308 allure est à partir de 249 € par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. Elle a mail dès 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. Eric, sociétaire Massif. Mon entreprise, c'est toute ma vie. Mais j'ai peu de temps pour la paperasse. Grâce à la Massif, j'ai le pouvoir d'être bien accompagné. Un conseiller spécialisé m'a aidé à choisir la complémentaire santé la plus adaptée à mes salariés et à moi-même. Bilan, nous sommes bien protégés et mon entreprise se porte mieux. Massif, essentiel pour moi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur massif.fr. Les contrats garantie santé entreprise et garantie santé des indépendants proposés par la Massif sont assurés par Massif Mutualité, mutuelle régie par le livre 2 du Code de la Mutualité. Du 10 au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit et acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 8h49, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est l'auto. Jean-Luc, on accueille Nicole avant de retrouver l'essai de la semaine. Bonjour Nicole. Bonjour Jean-Luc et François. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole et Nicole. J'en suis tremblante de vous avoir en chair et en os. Oulala. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, Nicole. Bon, bien en chair. Vous avez une Twingo qui m'a donné toute satisfaction pendant 6 ans. De quelle génération, Nicole ? La Twingo 2. D'accord, oui. Et puis, j'ai eu un accident. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans un fossé. La voiture va être réparée. Mais mon mari n'a plus confiance. Et en plus, il en a assez des 3 portes. Il veut une 5 portes. D'accord. Donc, vous voulez un nouveau véhicule 5 portes. Et vous avez quel budget ? Alors, entre 10 000 et 14 000. Vous faites combien de kilomètres par an ? Et vous voulez une voiture neuve ou pas neuve ? C'est une voiture je fais surtout mes courses, j'habite dans la région lyonnaise. Petit trajet donc. Petit trajet, de temps en temps nous allons dans le Beaujolais, dans les monts du Lyonnais, faire des randonnées, mais bon, elle ne fera jamais beaucoup d'autoroute. Hein. D'accord. Bah alors attendez, je voudrais quelque chose de très fiable parce que j'ai lu sur internet. Il y a un peu de bon, il y a beaucoup de mauvais. Alors je me dis, ces voitures neuves, est-ce qu'elles sont fiables ? Oui. Les voitures neuves sont plus fiables que les anciennes voitures, hein, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer. Bon, alors les diesels, quand ils sont mal utilisés, sont pas fiables, mais c'est pas la fiabilité du moteur, c'est surtout l'usage qu'on a du véhicule. Vous, dans votre cas, en plus, il vous faut une voiture essence, parce que vous roulez pas beaucoup. Dans votre budget, il y a 2 modèles français qui sont très bien, qui permettent de faire un peu de route et avec un bon niveau de confort. Vous avez la Clio avec le moteur TCE. Vous voulez plus petit ? Ah bon, alors moi je vous conseillerais pas la Twingo si vous voulez faire beaucoup de route. La nouvelle Twingo, ça va être un peu grand. Alors vous avez, parce que autrement j'allais vous proposer la 208, mais c'est un peu grand aussi. Alors un peu plus court, vous avez la Yaris. Oui. La Yaris avec le moteur 69 chevaux, vous serez dans votre budget, vous serez aux alentours de 12 000 euros, même chez les mandataires, je pense qu'on peut trouver un petit peu moins. C'est une voiture qui. Je pensais prendre aussi au moins 80 chevaux. Au moins 80 chevaux. Alors, vous avez la Yaris 100 chevaux. Ah, oula. Voilà, ouais. Alors 100 chevaux, pas SANS, hein, elle en a quand même. Elle a 100 chevaux, voilà. Parce que pour tout vous dire, j'avais repéré la 108, l'I10 et la Twingo 3. Mais la Twingo 3, il me semble qu'il y a beaucoup de problèmes. Non, mais c'est pas ça. C'est que si vous voulez faire des longues distances, c'est pas une voiture. C'est une voiture qui a tout son intérêt en ville parce qu'elle a un rayon de braquage très court. Sur les longues distances, je trouve un peu. Vous savez, le moteur est derrière. Mais je fais jamais de longues distances. Hein. D'accord, mais vous faites quoi comme trajet ? Je vais faire mes courses. Jamais plus de 50, 100 km. Hein. D'accord. Donc vous parce êtes que j'ai une belle satisse pour la route. Oui, gardez-la, ça sera un collector dans 30 ans. On va parler de la remplaçante dans un instant. On va parler de la talisman qui remplace la veste. Alors 108, 108, ouais. 108, et là, avec un budget de 12 000 euros, on peut même vous faire une... Mais par contre, vous aurez... si, vous pouvez avoir le moteur 80 chevaux, 82 chevaux. D'accord. 108, parfait. 82 chevaux. C'est bien. Et bon avec, choix. Prenez le toit, le toit ouvrant, là, il est c'est sympa. C'est bien. Ouais. Bon, parfait. Allez, merci beaucoup, Nicole. On enchaîne maintenant avec l'essai de la semaine. Jean-Luc, c'est la Renault Talisman Estate. Exactement, c'est le break. Une voiture de paradoxe, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors déjà, bon, quand même, elle est belle. Elle est plus belle que la berline, même. À un détail près, je trouve que le losange, vous savez, à l'avant, on a surdimensionné le losange. Dans cette catégorie de voitures statutaires, je ne sais pas si le losange de Renault est vraiment un énorme et vraiment un gros atout. Voilà, j'ai premier compris. Truc. Bon, c'est un grand break, 4,87 m de long, avec un coffre qui fait entre 572 et 1610 litres. C'est pas mal, mais une Volkswagen Passat ou une Skoda Superb, qui sont plus petites en longueur, font mieux. Donc c'est un gros break, mais il y a des breaks plus petits qui permettent de charger plus. Alors, en revanche, l'espace à bord est vraiment généreux. La présentation, elle est très belle. Vous avez une vraie touche de faux bois du plus bel effet. Mais alors, à côté de ça, il y a franchement des détails. Bon, je le dis comme ça, ça craint, quoi. Voilà. Pour une voiture qui veut être le fleuron de l'industrie automobile française, c'est pas je bon. Vous parle de la finition Initial Paris, qui est vraiment le haut de gamme. Initial Paris. On dirait un parfum. Oui, mais c'est ça. Mais sauf que c'est un parfum low cost, hein, parce que vous avez... Oui, il y a des plastiques durs sur la console centrale. On les a sous le nez en permanence. Oui. Donc, s'ils avaient... Bon, qu'il y en ait cachés à des endroits où on voit pas. Mais là, on les a sous le nez. Ils auraient dû cacher la misère. Ils ont économisé 40 euros. Franchement, c'est pas normal. C'est dommage. Vous avez l'assise du siège. Elle est en cuir, d'accord. Mais les bords, c'est du Sky. Franchement, sur un truc qui s'appelle Initial Paris. Bon, vous avez aussi un tableau de bord. Il est bien, hein, mais c'est le même que sur la Mégane. Bon, franchement, achetez une Mégane si vous voulez ce tableau de bord-là. Ouais, et puis, alors, l'info divertissement, qui est a priori au top, est aussi un paradoxe immense. Alors d'abord, le GPS, il est complètement largué. Je sais pas qui leur fournit les infos trafic, mais moi, je suis parti avec dans le Nord mardi. Il m'indiquait des embouteillages partout, y compris la nuit. Il y avait personne sur la route. Hein, donc voilà. Ouais. Ça doit être les shadocks qu'on fait la logique de fonctionnement du système. Par exemple, quand vous passez, vous avez un système multisense qui permet de programmer le confort, la dynamique de l'auto. Quand vous passez sur le mode confort, vous avez systématiquement le siège qui se met en mode massage tonique. Et pour aller désactiver le mode massage tonique, faut passer par 4 ou 5 sous-menus, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais l'ergonomie est à revoir. Ah ouais, non, mais la nuit, vous oubliez, les compteurs étaient à l'éclairage maximum. Je me dis, je vais baisser l'éclairage. Oui. Pour baisser l'éclairage, pareil, vous êtes obligé d'aller dans 2 ou 3 sous-menus. Et résultat des courses, vous quittez la route des yeux, c'est extrêmement dangereux, c'est vraiment n'importe quoi. D'accord. Alors, paradoxe encore, vous avez un châssis qui est extraordinaire, avec une suspension pilotée, 4 roues directrices, c'est vraiment très bien. Sauf que ça sert à quoi sur une limousine, entre guillemets? Vous avez des roues de 19 pouces qui provoquent des remontées sèches sur les irrégularités de la route, c'est pas extrêmement confortable. Ça sert à rien d'avoir fait un châssis de voiture de course. Les PDG qui vont rouler avec, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est du confort. Exactement. On aurait voulu plus de confort. Voilà. Vous avez un moteur. Alors sur celle-là, moteur essence avec boîte de vitesse robotisée, 7 rapports. Il est très doux. On annonce 200 chevaux. Je sais pas où ils sont. Il y en avait certains qui devaient être malades sur ma voiture. Et vous avez un couple de 260 Nm. C'est un petit moteur 1,6 litre. Un litre sur une grosse voiture comme ça, qui pèse 1500 kilos. Ça manque un peu de gouache en bas. Alors, à l'inverse, extrêmement sobre. D'accord. C'est vrai que même en roulant sur autoroute, j'ai consommé 7 litres 2 pour une voiture comme ça. C'est plutôt pas mal. Mais encore paradoxe, vous avez un réservoir qui fait 47 litres. Franchement, mais elle est mal née cette voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a un truc bizarre. Bon, il y a un truc bizarre. Et je pense que les gens chez Renault ont dû prendre la foudre au moment où ils ont conçu cette voiture, qui aurait pu être extraordinaire et qui, au final, sur plein de petites déceptions, on se dit, si j'étais client, alors elle est moins chère que les concurrentes allemandes équivalentes. Elle vaut 41 700 euros. Mais une Skoda Superb combi qui est encore moins chère, finalement, elle sera mieux. Voilà. Oui, dommage de la part de Renault. Bon, on aura peut-être l'occasion de parler de la V2 qui sera peut-être plus réussie. On verra bien. Jean-Luc, la météo, les infos de 9h et on attaque notre deuxième partie dédiée à l'auto avec eh bien les systèmes d'info divertissement, vous savez qu'ils sont en voiture. Est-ce qu'ils sont pas dangereux, ces systèmes-là? On va en parler dans un instant, à tout de suite. RMC 8h-10h, votre auto. Producteurs, consommateurs, tous unis chez Intermarché. Intermarché soutient les producteurs d'endives françaises. Le sachet d'un kilo d'endives Origine France est à 1,19€. Oui, 1,19€ le kilo d'endives Origine France. Mais dépêchez-vous, c'est aujourd'hui seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1. Ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Renault Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voie Renault.fr. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. Oh, j'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non mais c'est... Là, c'est vous le vendeur, là. Oh, ça va. Difficile de résister. En septembre, la Polo All-Star suréquipée est à 140€ par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 1 606€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Porte ouverte ce week-end selon autorisation et réseau participant. Pourquoi t'as choisi le forfait mobile free? J'ai la 4G, ça charge méga vite. Et maintenant, jusqu'à 50 gigas d'internet par mois. Et bien sûr, les appels, SMS et MMS en illimité. Forfait mobile free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition, 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990€, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990€. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Vivez vos émotions à 100% en découvrant l'application MyPMU. Recevez les cotes en temps réel et préparez vos paris avec des alertes personnalisées. MyPMU, l'application qui vous aide à parier en point de vente. À télécharger sur votre mobile. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et c'est l'heure de la météo sur RM. C'est la météo de ce dimanche. Avec vous, Kevin Fleury, bonjour. Bonjour François Péo, pas de changement aujourd'hui avec de fortes précipitations en ce moment redescendues vers la Bourgogne et la Franche-Comté. Des pluies intenses qui vont se décaler ensuite vers l'Auvergne et la région Rhône-Alpes dans l'après-midi. Laissant d'ailleurs un petit peu de neige des 2200 mètres sur le massif des Alpes. Ailleurs encore des averses, un temps beaucoup plus lumineux en bordure de Méditerranée et sur l'arc atlantique. Attention à l'orage possible en Corse qui ont tendance déjà à se développer au large en ce moment. Vos températures, 13 degrés à Aurillac, 15 à Clermont-Ferrand, 16 degrés à Lyon, 17 pour Grenoble, il fera 19 degrés à La Rochelle et Orléans, 20 degrés pour Brest et Abbeville, 22 degrés pour Avignon et prévoyez 25 degrés, c'est la maximale aujourd'hui pour Toulon. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h Formule 1, départ du Grand Prix de Singapour. 15h, Football Ligue 1, Montpellier-Nice. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Racing 92 Toulon. Et à 20h45, retour à la Ligue 1 avec Marseille-Lyon. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 9h. Toute l'actualité maintenant sur RMC avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, la thèse de l'acte terroriste écartée pour l'instant. Violente explosion cette nuit dans les rues de New York, quartier de Chelsea, 29 personnes blessées. Effacer les traces du FN pour mettre la candidate seule en première ligne, la stratégie Marine Le Pen en meeting ce dimanche à Fréjus dans le Var. Et puis les sports, document RMC ce matin. Franck McCourt, le futur nouveau patron de l'OM, donne ses ambitions pour le club. Il est 9h01 sur RMC. Bonjour à tous. C'est donc l'information de la nuit, cette explosion au cœur de Manhattan à New York. Il était 20h45, heure locale, dans ce quartier de Chelsea, très fréquenté, un samedi soir. 29 personnes sont donc blessées, l'une grièvement. Écoutez ce témoin interrogé sur la chaîne d'information CNN. J'étais au croisement de la 22e rue et de la 7e avenue assis dehors en train de dîner. J'ai senti une puissante explosion. Tout le monde s'est enfui du restaurant. Toute la ville était dans la rue. Je n'avais jamais vu autant de policiers conduire à contresens à 50 km/h. Les gens ont senti de la fumée. Au début, on pensait qu'un immeuble s'était effondré. Tout le quartier s'est arrêté. Je devais aller voir un film après, mais le cinéma était fermé. Tout a fermé. C'était un peu le chaos. Barack Obama se tient régulièrement informé, dit la Maison Blanche. Une partie de Manhattan est donc bouclée. Ce matin, Bill de Blasio, le maire de New York, a pris la parole cette nuit. Ce soir, New York a connu un très grave incident. Les blessures sont importantes, mais le pronostic vital n'est engagé pour aucun des blessés. Nous voulons aussi assurer qu'il n'y a aucune preuve jusqu'ici du caractère terroriste de cet incident. Nous allons continuer à enquêter, mais en tout cas, il s'agit bien d'un acte intentionnel. Voilà, acte terroriste écarté pour l'instant. Les forces de l'ordre ont, semble-t-il, dû intervenir également sur un deuxième engin explosif, engin artisanal. La Syrie est l'erreur avouée tard hier soir par les autorités militaires américaines. Frappe aérienne dans la province de Deir ez-Zor, frappe qui a tué plusieurs dizaines de militaires syriens. La Russie a dénoncé l'acte. Washington a rapidement avoué que la frappe était censée viser les soldats de l'État islamique. Évidemment, le climat de tension en France n'y est pas pour rien. Plusieurs heures de panique hier autour de Châtelet-Léal à Paris. Un appel de la police à la police. La peur dans tout le quartier. Les forces spéciales déployées sur place. Finalement, c'était une fausse alerte. L'application Alerte Attentat a été déclenchée sur les réseaux sociaux, de quoi renforcer encore la panique. Et ça, Jean-Jacques Hainaut, journaliste spécialiste Nouvelle Techno, le regrette. Comment vérifier l'information au départ? C'est le gros problème de ce type de système et du plus largement des réseaux sociaux qui sont utilisés pour l'alerte attentat, alors que ces réseaux sociaux n'ont pas été conçus au départ pour être des systèmes d'alerte. Ce sont des systèmes de messagerie, d'échanges conviviaux, etc. La limite de l'application, s'il y a trop de fausses alertes, on ne va plus y faire attention. C'est vraiment la fable de Pierre et le loup. Pierre qui crie au loup, il n'y a pas de loup. Là, si on continue effectivement à utiliser cette application pour des fausses alertes, les personnes qui en sont équipées vont plus y faire attention, vont plus y croire. Le journaliste Jacques Hainaut interrogé ce matin par Antoine Boyer. La politique ce dimanche chez Marine Le Pen à la tribune à Fréjus. Cet après-midi, elle clôt les estivales qui portent son nom. Fini donc les universités d'été du Front National. Place aux estivales de Marine Le Pen. Preuve Stéphanie Collier, qu'elle veut par-dessus tout gommer toute trace de son parti. Dans les allées de ces universités d'été rebaptisées les estivales de Marine Le Pen, on cherche les affiches estampillées FN. Il n'y en a pas. Le logo, la flamme bleu blanc rouge, a disparu lui aussi. Bref, le parti s'efface derrière la candidate. Éric et Jackie, deux militants du Var, approuvent. Ben, le logo, c'était la base au début du grand-père. Et maintenant, ça s'est démocratisé. C'est un parti comme les autres. La France apaisée, c'est son nouveau slogan. Ben, c'est pas plus mal. Elle a laissé tomber l'ancien Front National. L'image de Jean-Marie, à la fin, c'était un peu... Alors quand on parle de personnalisation du pouvoir à l'extrême, David Racheline, le directeur de campagne de Marine Le Pen, met les choses au point. Marine Le Pen est la candidate de tous les Français. Mais on va dépasser le cadre du Front National. Nous allons avoir des personnes qui vont nous soutenir, qui viennent de tous les horizons politiques, qui sont issus de la droite, issus de la gauche. Et le projet de Marine Le Pen ne sera pas forcément exactement le projet du Front National. C'est donc ainsi que Marine Le Pen va conduire sa campagne, en apparaissant comme celle qui veut rassembler les Français, et surtout pas comme la présidente d'un parti d'extrême droite. Le reportage à Fréjus de Stéphanie Collier. 1 milliard d'euros financés en partie par les automobilistes. Le tarif des péages va augmenter dans les mois qui viennent. C'est le ministre des Transports qui l'annonce dans le journal du dimanche ce matin. 1 milliard d'euros, ça correspond à l'entretien, l'aménagement et l'amélioration du réseau autoroutier. Dernier jour ce dimanche pour visiter gratuitement le patrimoine de France. La fin des journées européennes du patrimoine qui pourrait perdre un peu de son éclat dans les années à venir. Pourquoi? Pour des raisons de normes environnementales. En mai dernier, un décret signé, il rend obligatoire l'isolation par l'extérieur des vieilles bâtisses. De quoi sérieusement gâcher le paysage, Jamila Zegoudi. Prenons le cas de cette ferme normande à Colombages. Alexandre Gaby, président d'une association de défense du patrimoine, nous explique. Donc là, vous avez une jolie maison, un rez-de-chaussée, un étage, avec ses pans de bois qui dessinent une espèce de grille sur la façade. Après les travaux d'isolation extérieure, la maison a totalement changé d'aspect. On vous met de la mousse et puis on vous met du bois. On se retrouve avec une façade blanchâtre, percées de trous qui sont les portes et les fenêtres. Toutes les maisons anciennes qui ne sont pas en zone protégée sont potentiellement menacées. Un texte très inquiétant pour l'association. On va perdre beaucoup de qualité architecturale pour un résultat qui est quand même extrêmement faible. Il y a bien sûr des problèmes énergétiques qui sont posés par le chauffage individuel et par la déperdition. Mais là, on est en train de prendre une bombe atomique pour écraser une mouche. La beauté, c'est aussi très important. L'esthétique, le fait de vivre dans un pays agréable, beau, ça participe du bonheur collectif. Et c'est aussi important au moins que de respirer de l'air pur. Aux yeux de ces défenseur du patrimoine, la ministre de l'écologie a cédé aux pressions des entreprises de BTP. Ils n'entendent pas en rester là et ont déposé un recours contre ce décret devant le Conseil d'État. Le reportage de Jamila Zeghoudi, 9h06 sur RMC. Quelle vision, quelle ambition pour l'un des clubs historiques du championnat de France, le football. RMC Sport a pu poser la question au futur nouveau patron de l'OM. Franck McCourt sera au Vélodrome ce soir pour le choc face à Lyon. Florent Germain, c'est vous qui êtes allé à la rencontre de l'Américain. Oui, une poignée de main chaleureuse, un regard droit dans les yeux. Franck McCourt nous a reçus avec un grand sourire dans sa magnifique suite de l'hôtel Intercontinental. J'adore m'installer ici à mon bureau pour admirer Notre-Dame de la Garde, nous raconte McCourt, qui a un feeling avec Marseille, car il y sent une ville fière et passionnée. Le futur propriétaire de l'OM, plutôt cool, jean, chemise blanche et veste bleue, s'est régalé, dit-il, à parler avec RMC de sa première rencontre avec Margarita, de sa promesse de ne pas augmenter les abonnements au Vélodrome, de son rêve aussi de voir l'OM gagner à nouveau la Ligue des Champions. L'OM en manque de titres et de victoires, McCourt l'a bien compris. Pour l'anecdote, nous lui avons offert pour cette première une belle bouteille de vin rouge, vin de Provence évidemment, mais surtout millésime 2010. McCourt a tout de suite saisi le clin d'œil. 2010, c'est l'année du dernier titre de l'OM. Les résultats d'hier pour cette cinquième journée de Ligue 1. Monaco a battu Rennes 3-0, 1-0 pour Angers face à Bordeaux et pour Lorient face à Lille. Toulouse bat Guingamp 2-1. Enfin, match nul, un partout entre Nantes et Nancy, 0-0 entre Dijon et Metz. Plus le choix, il faudra gagner les deux simples aujourd'hui. Demi-finale de Coupe Davis de tennis et les Bleus en difficulté. Ils ont perdu le double hier. La Croatie mène donc 2-1. Richard Gasquet est obligé de gagner contre Marin Cilic et ce sera très très compliqué pour sa rapide Koski de la Dream Team RMC. Ça va être un match extrêmement difficile. Richard va devoir élever son niveau de jeu. Il ne pourra pas jouer le tennis qu'il a joué contre Borna Koric. Il n'a pas eu une opposition très rude face aux plus jeunes croates. Il aura un vainqueur de grand chelem, un homme avec de l'expérience qui vient de gagner deux matchs importants. Donc il y aura un ascendant psychologique, en tout cas une motivation qui sera décuplée. Il va y avoir le public. Donc Richard doit sortir un match incroyable. Une chose est sûre, il faudra qu'il élève son niveau de jeu et qu'il joue un meilleur tennis que celui de vendredi. 14h cet après-midi sur RMC, le Grand Prix de Singapour, la Formule 1 et Nico Rosberg en pole position. Lors des 7 dernières éditions à Singapour, l'auteur de la pole l'a remporté 6 fois. Alors forcément, ça rassure le pilote Mercedes. Moi, j'adore cette statistique-là. C'était un beau tour que je garderai en souvenir, c'est sûr, parce que c'est le feeling aussi, hein, de pouvoir aller sur les limites sans avoir la pensée, oh, peut-être je vais me louper ou quelque chose, hein, parce que la voiture, elle fait ce que je veux et elle va où je veux et tout, c'est vraiment beau. Nico Rosberg au micro de Louis Amar, 9h09 sur RMC. François, les courses. Tiers écarté Quintet Plus cet après-midi à Vincennes. Thomas et Sébastien Darras nous conseillent de retenir le 4 Pioneer Gare. Hélas, Vestal du Goutier. Brahim Asloum, lui, reste fidèle au 14 univers de Dédou. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 7 Vic de Pomereux et le 8 Vasco de Viette. Le 4, l'As, le 14, le 7 et le 8. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. On est là dans un instant avec Jean-Luc Moreau pour notre deuxième acte dédié à l'automobile. Tous ces systèmes de GPS, de navigation tactile dans les véhicules, c'est bien. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux? C'est la question qu'on va se poser avec Jean-Luc et nos invités et vos témoignages, bien sûr, au 32-16. A tout de suite. RMC. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné, un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Les professionnels du gaz PG. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz, qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation. 30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation? Waouh! Pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Salut, moi c'est Lucas. Lucas Dubol, oui, je sais. Et Dubol, j'en ai. De quoi remplir une armoire. Hier, je démarre ma Citroën et là, le fameux message, toi, Va faire réviser ta voiture. Du coup, je prends rendez-vous sur Citroën.fr et sur le site, qu'est-ce que je vois pas? Avec l'opération Soyez malin et faites le plein, plus j'entretiens ma voiture, plus on m'offre du carburant. Ça va jusqu'à 280 euros. Là, c'est plus du bol, c'est un bidon. Et moi, je dis merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Un excellent dimanche avec RMC, merci de nous rejoindre si c'est le cas. Jusqu'à 10h, c'est votre rendez-vous auto avec Jean-Luc Moreau qui m'accompagne et qui répond à toutes vos questions automobiles. Vous le savez, chaque dimanche, 8h-10h sur RMC, puis ensuite ce seront les GG du sport. Jean-Luc, tout à l'heure on s'intéressera à cette enquête nationale Ipsos sur les Français, la mobilité électrique. On retrouvera aussi l'actualité de la semaine avec automoto.com et un scoop tout à l'heure. Un scoop, on saura tout sur les trois futurs, enfin tout. Non, on vous dévoilera... Mais quelques informations. Quelle sera la physionomie des trois futurs modèles DS jusqu'en 2020. On peut pas dire qu'RMC a pas un peu d'avance là. Oui, c'est vrai, ça va vite, c'est bien. Voilà. Mais dans l'immédiat, Jean-Luc, on va parler de tous ces systèmes maintenant qu'on a dans les véhicules. Entre oui, les on est hyper connecté. Les écrans tactiles qu'il y a sur les. Est-ce qu'on est connecté ou déconnecté de la réalité? C'est la vraie question en fait. Moi, franchement, je vous donne mon avis perso. Parce que d'abord, je suis motard et je pense que tous les motards sont sensibilisés à ça. Je trouve que tous ces systèmes d'infodivertissement, on va appeler ça comme ça, c'est un gros recul de la sécurité routière. Voilà, moi je suis pour des systèmes qui sont transparents, c'est-à-dire des systèmes qui vont permettre aux véhicules de réagir en cas de danger, mais dans lequel il n'y a pas de communication avec le conducteur. Exemple, le freinage automatique, l'ABS, l'ESP, voilà, ok. Tout ça, c'est bien, bon. D'accord. Mais en fait, ce qui vous ennuie, c'est toute cette somme d'informations qui est de plus en plus importante. Voilà, c'est ça. Mais même le GPS sur les écrans. Ouais, même le GPS, aujourd'hui, est sans doute, il n'y a pas d'études précises sur ça, générateur d'accidents. Combien de fois vous avez des gens qui, en plein milieu de la route, même sur une route à vitesse élevée, hésitent parce que leur GPS leur dit faut tourner à droite. Est-ce que c'est la première là, l'autre d'après? Franchement, on a des comportements qui n'existaient pas avant. Oui, mais on peut imaginer aussi que le GPS parfois fluidifie la circulation. Oui, non, mais je veux dire, évidemment, il a des avantages. Évidemment, qu'on ne reviendra pas en arrière à la bête carte routière, parce que de toute façon, la carte routière, il y en a qui la dépliaient, qui la mettaient sur les genoux en matière de sécurité. C'était pas beaucoup mieux, mais au moins on préparait un petit peu son itinéraire avant. On savait en fait, la on réflexion elle est plus globale que oui, ça. Oui, ça va au-delà de ça. Voilà, est-ce que quand on conduit, on doit être perturbé par des informations supplémentaires exactement, en fait. Exactement. Ça peut être le GPS, ça peut être le smartphone. Bon, typiquement la réglementation vise le téléphone, mais on va largement au-delà de ça. On a avec nous Anne Laveau, qui est la déléguée générale de l'association Prévention Routière. Bonjour Anne Laveau. Bonjour. Alors la réglementation, on va le rappeler parce que c'est bien de rappeler. Elle a évolué il y a environ un an, c'est ça, hein, et elle s'est durcie en matière de... On va parler de téléphone au volant, mais c'est pas que ça. Alors effectivement, depuis le 1er juillet 2015, il est impossible d'utiliser le système d'oreillette, qui était un système qui permettait effectivement d'utiliser la fonction téléphone de son smartphone au volant. Alors on va préciser, oreillette, c'est les systèmes Bluetooth qu'on peut avoir accrochés à l'oreille, ou alors l'oreillette filaire ou le casque qu'on met dans la voiture. Exactement, c'est tout système, tout dispositif en fait susceptible d'émettre un son. D'accord, alors même si on écoute son iPod dans la voiture, on n'a pas le droit non plus. C'est effectivement, vous avez raison de le rappeler, puisque la réglementation, les termes même de cette réglementation, c'est l'interdiction de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre un son. Donc, écouter de la musique, c'est de la même chose, puisqu'on sait très bien que souvent, on utilise le même dispositif pour écouter la musique ou pour téléphoner. Alors, on peut écouter la musique dans la voiture. Ah, on peut écouter la voiture. Avec des écouteurs personnels, on ne peut pas. Mais ça, c'est normal, parce qu'en plus, on s'isole quand on écoute comme ça de la musique, quand on conduit. On est moins en phase avec ce qui se passe à l'extérieur. Ah oui, et puis alors là, on parle de voiture, mais c'est la même chose pour ceux qui conduisent des deux roues motorisées et ceux qui sont à vélo. À vélo, plus dangereux. Interdit, mais c'est également interdit. On peut être verbalisé lorsqu'on a ce type de dispositif. Si on a un casque audio, si on a un casque audio sur les oreilles et qu'on est à vélo, on peut se faire arrêter. Absolument. D'accord. On peut se faire arrêter. Souvent, les gens oublient finalement que la réglementation s'applique également quand on est à vélo. Or, c'est exactement la même chose. On peut être verbalisé, on peut avoir une contravention à payer. En revanche, il n'y aura pas de retrait de points si on est à vélo. Hein, on est bien voilà. D'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà. Autrement, on est d'accord aussi. 3 points et 135 euros d'amende à partir du moment où on tient le téléphone en main. C'est-à-dire, on n'a pas besoin même de s'en servir. Juste le fait de le tenir dans la main, on est verbalisable. Alors, juste le fait de le tenir dans la main, juste le fait de porter à l'oreille ce type de dispositif, c'est effectivement une contravention de quatrième classe. 135 euros, vous l'avez rappelé, et 3 points de permis en moins. Pour juste une petite information, en 2015, il y a eu 960 000 points retirés pour usage du téléphone sur un total de 12,4 millions de points retirés. Voilà, ça vous donne une petite idée du nombre de verbalisations, mais ce nombre verbalisations est bien sûr complètement en deçà de la réalité. C'est ce que j'allais dire, parce que les autres verbalisations, c'est essentiellement les radars automatiques, et les radars automatiques nécessitent pas de personnel sur le terrain, alors que là, pour verbaliser les gens qui sont avec un smartphone, il faut forcément la police, et la police a malheureusement d'autres tâches en ce moment que de verbaliser les gens qui sont au téléphone. Mais oui. Et toutes les études de comportement qu'on a à notre disposition, hein, qui nous disent que le taux de pénétration du smartphone, c'est 74-75%, donc ça veut dire tout le monde, eh bien on a quand même 34% des Français qui disent utiliser leur téléphone au volant. Et je pense que 34%, on est très en dessous du vrai chiffre. Hein, il y en a plein qui... Bah oui, bah voilà. Déclaratif, ah, oui. Ça fait sûrement des personnes en moins. Et en plus, pardon... Donc c'est vraiment un usage qui malheureusement s'est multiplié. Vous savez que on parle presque d'addiction par rapport au smartphone, puisque il y a une étude récente qui a dit que on prenait en moyenne 221 fois son smartphone dans la main, regarder son smartphone, etc. Donc ça veut dire que on est tout le temps connecté à cet outil qui nous permet de tout faire. Le téléphone étant une des fonctions finalement mineures par rapport à consulter Internet, regarder un message qui arrive. Alors ça multiplie par combien de lire un message qui arrive sur son smartphone? Parce qu'il y a des gens, c'est pareil, ils détournent les yeux de la route. Alors ils tiennent pas le téléphone en main, il peut être posé, mais ils détournent les yeux de la route pour regarder le message qui vient de s'afficher. Oui, alors effectivement, vous savez, on arrive à mettre des chiffres sur tout. Après, mettre les chiffres, c'est une chose, c'est un constat, et puis ensuite, on sait qu'il y a des solutions. Mais le constat, c'est quoi? C'est que envoyer un SMS, c'est environ 5 secondes. Et 5 secondes, croyez-moi, parce que nous, là, on va bientôt sortir un petit site internet qui permet justement de tester en direct les dangers de la rédaction d'un SMS. Il y a 5 secondes pour envoyer ou recevoir un SMS. Quand on est à 30 km/h, 2 secondes d'inattention, ça fait passer la distance de freinage de 11 mètres à 23 mètres. Non, mais c'est énorme, bien évidemment. Et à 130 km/h, de 126 mètres à 180 mètres. Voilà. Et pour répondre à votre question, envoyer un SMS ou lire un SMS quand on est au volant, ça multiplie par 23 le risque. D'accord, 23. Voilà. Eh ben... Anne, merci beaucoup. Merci Anne. Alors il y a des solutions, heureusement. Oui, je pense que le constat, tout le monde l'a eu. Et aussi bien les constructeurs automobiles que les équipementiers travaillent pour apporter des solutions. On va vous parler de solutions qui permettent d'améliorer la sécurité juste après. Voilà, à tout de suite. C'était RMC, c'est le week-end des experts, c'est l'automobile. On est là dans une minute. RMC, 8h-10h. Votre auto. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akena? Chez vous, bien sûr. Akena, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors ce week-end, ne les ratez pas. Les séries limitées MyCanal sont au programme des portes ouvertes Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159 € par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1 500 € suivi de 36 loyers de 159 € sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Ouverture selon autorisation. Conditions sur seat.fr. Alice va tester à l'aveugle des sodas Lemon Lime. Le soda Sprite à 63 centimes le litre, puis le soda Lidl à 48 centimes le litre. Alice ? J'aime. Et ? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur le Sprite non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Sprite, 95 centimes les 1,5 litre. Soda Lemon Lime Lidl, 95 centimes les 2 litres. Pour votre santé, bougez plus. Quand Louis est coincé dans un embouteillage de 6 km, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C1 Mentos avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 99 € par mois seulement. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km après un premier loyer de 2 300 €, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, 9h22, le retour du week-end des experts l'automobile. On va découvrir justement les efforts que font maintenant les constructeurs auto et surtout les constructeurs de smartphones. Oui, les équipementiers. Pour essayer de faciliter en fait l'ergonomie des smartphones qu'on peut avoir dans la voiture. Voilà, pour essayer de d'améliorer un petit peu la sécurité. Oui. On va pas dire de régler tous les problèmes, non, parce que je pense qu'à partir du moment où l'attention est captée par autre chose que la conduite, ça devient dangereux. C'est pour ça que les vieilles bagnoles, au moins, ça a cet avantage-là, c'est qu'on est polarisé sur ce qu'on fait, on n'est pas distrait par autre chose. Alors on a avec nous Sébastien Rosnay, qui est le directeur marketing de Pioneer France. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Alors, on a choisi de vous parler d'un fabricant d'autoradio simplement parce que c'est vrai que les constructeurs proposent des solutions, mais vous avez l'avantage de proposer des solutions, on va dire, qui sont transversales, qui vont sur à peu près toutes les voitures, et on peut équiper en deuxième monde des véhicules qui n'étaient pas prévus pour. Alors, tout à l'heure, on évoquait l'interdiction désormais d'avoir des écouteurs dans la voiture. Il y a des solutions sur des autoradios classiques à des prix très abordables qui permettent de, même si vous avez un véhicule un petit peu ancien, de contourner ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, Pioneer est capable de proposer sur le marché des autoradios aux alentours de 100 € qui vont intégrer notamment la fonction main libre Bluetooth et qui va permettre justement au conducteur d'utiliser son smartphone notamment pour la fonction audio de la fonction main libre sans toucher l'autoradio, sans toucher le téléphone et en gardant les mains sur le volant et surtout en restant concentré un maximum sur la route. Ouais. Alors 100 € c'est moins cher que l'amende qui coûte 135 € et en plus on perd pas de points quoi quand on achète un autoradio. Exactement. Aujourd'hui, aux alentours de 100 €, vous avez la possibilité, donc, d'une manière très simple, de connecter le smartphone, de converser en gardant les mains sur le volant, grâce au microphone qui est déporté, et donc, encore une fois, de rester concentré sur la route et de garder les mains sur le volant. Et on peut même, sur ces autoradios, utiliser la commande vocale d'origine sur le smartphone, oui. Par exemple, pour les smartphones Apple, la commande Siri, ou pour Google Now, qui est la commande vocale du smartphone. Donc il suffit juste d'appuyer sur le bouton de l'autoradio et on active la commande vocale pour poser une question au smartphone et notamment pour envoyer un SMS. Mais Sébastien, là, on ne touche plus au téléphone. Est-ce que ça marche bien, ces systèmes-là ? Ah, ça marche parfaitement. Ah oui, tout à fait. Ah oui, parce que même dans un environnement bruyant comme celui d'une voiture. Alors j'imagine que entre une 2 chevaux et une Rolls-Royce, on n'a pas les mêmes qualités de réception, même avec un bon micro sur ce genre d'autoradio. Alors aujourd'hui, les DSP qui sont utilisés dans les autoradios, la fonction Bluetooth utilisée dans les autoradios est suffisamment performante pour pouvoir justement utiliser ces commandes vocales. Alors après, on utilise évidemment des mots simples pour activer, envoyer un message à telle ou telle personne et envoyer des messages simples. Mais en tous les cas, la fonction main libre et la fonction SMS en roulant fonctionnent parfaitement. Aujourd'hui, avec tout ce qui existe en termes de DSP sur l'autoradio Pioneer ou sur le smartphone, ça fonctionne parfaitement. D'accord. Bon, vous allez rester avec nous. On va évoquer après les systèmes. Alors là, cette fois, nettement plus haut de gamme, Apple CarPlay qui permet de synchroniser en fait la voiture avec son smartphone sous Android, Android Auto et Apple CarPlay. Donc, oui, parce que c'est les deux systèmes aujourd'hui. C'est les deux systèmes qui sont concurrents, évidemment, Apple et Google. Et puis Google, la question, est-ce que les véhicules aujourd'hui, les constructeurs intègrent les deux technologies? Parce que c'est vrai, on va pas changer de téléphone parce qu'on a un véhicule. Alors vous avez, les Coréens, par exemple, intègrent Android Auto. On se demande pourquoi. Et pas forcément Apple CarPlay. Voilà. Bah parce que les smartphones Samsung fonctionnent sous OSG Android. Sont sous Android, exactement. Bien évidemment. On revient dans un instant, c'est RMC. Il est pratiquement 9h30. On va retrouver la météo, les infos. Et on poursuit donc sur ce sujet. On aura aussi tout à l'heure notre rendez-vous avec l'actualité de la semaine en compagnie d'automoto.com. Vous restez là, à tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. GPS, caméra de recul. Non, franchement, elle est canon, ta nouvelle Volkswagen. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non, mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Match suréquipée est à 270€ par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2867€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation et réseau participants. Producteurs, consommateurs, tous unis chez Intermarché. Intermarché soutient les producteurs d'endives françaises. Le sachet d'un kilo d'endives Origine France est à 1,19€. Oui, 1,19€ le kilo d'endives Origine France. Mais dépêchez-vous, c'est aujourd'hui seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1. C'était les meilleures vacances de ma vie. J'arrive sur une grande plage, superbe. Enfin non, une petite plage déserte. Et c'est là que je tombe sur cette fille. Non, je tombe sur ces deux filles. Deux brunes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Deux jumelles, blondes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Et on a fait la fête dans une sorte de village hippie. Un village hippie. Voilà, et après on a fait des bruits. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Jusqu'au 26 septembre, profitez de billets intercités à partir de 15€. Offre soumise à condition, plus d'infos sur sncf.com. SNCF. On en parle. Si comme Marie, vous voulez refaire l'isolation de vos combles, restez avec nous. On en parle dans un instant avec un vrai coup de pouce, la prime éco-énergie d'Auchan. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 208 Style, avec écran tactile Bluetooth et aide au stationnement arrière. Une œuvre signée Peugeot, dont je vous laisse admirer le prix. Pendant les immanquables Peugeot, la 208 Style est à partir de 149€ par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Et c'est avec Kevin Foury que nous faisons un point sur la météo de ce dimanche. Bonjour Kevin. Bonjour François. Avec de fortes pluies, toujours en cours sur les régions de l'Est, dans le secteur de Metz, de Besançon, mais aussi de Dijon. Des précipitations qui vont se décaler dans le courant de la journée vers la région Rhône-Alpes, laissant d'ailleurs un petit peu de neige dès 2200 mètres d'altitude. Ailleurs, le temps est beaucoup plus agréable à l'amélioration, on peut le dire. Encore quelques averses possibles, mais un franc soleil, notamment le long de la Méditerranée et sur l'arc atlantique. Concernant les températures encore fraîches cet après-midi, pas plus de 13 degrés dans le secteur d'Aurillac, 25 degrés pour Toulon. Demain lundi, nouvelle semaine avec l'arrivée d'une petite perturbation par la Bretagne qui laissera des pluies faibles et plutôt rares. Ailleurs, le temps est souvent couvert, parfois humide. C'est dans le sud-est qu'il faudra partir pour avoir du beau temps. Température moyenne demain après-midi, 20 degrés dans le nord, 23 dans le sud. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC. Pile 9h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. 29 blessés dont l'un grièvement, c'est le dernier bilan de l'explosion cette nuit dans le centre de New York, dans le quartier de Chelsea. Précisément, un acte volontaire, explique le maire de la ville, mais pas de lien pour l'instant avec un acte terroriste. La Syrie et l'erreur avouée tard hier soir par les autorités militaires américaines, frappe aérienne dans la province de Deir ez-Zor, frappe qui a tué plusieurs dizaines de militaires syriens. La Russie a dénoncé l'acte, Washington a rapidement avoué que la frappe était censée viser des soldats de l'État islamique. 1 milliard d'euros pour financer un parti par vous, les automobilistes. Le tarif des péages autoroutiers va augmenter. C'est le ministre des Transports qui l'annonce ce matin dans le JDD. Ce milliard d'euros, c'est pour financer l'entretien, l'amélioration et l'aménagement du réseau d'autoroutes. 50 projets sont envisagés. La politique, c'est également le semblant de lancement de campagne de Marine Le Pen. Le FN est réuni à Fréjus dans le Var. La candidate à la présidentielle tiendra son meeting cet après-midi. Hier, elle nommait le sénateur David Rachline comme directeur de campagne. C'est une étude rare. Elle a été menée par l'Institut Montaigne et dévoilée ce matin dans le JDD. Qui sont les musulmans de France? 66% accordent une grande importance à la religion. Les musulmans sont entre 3 et 4 millions en France. Un tiers est rigoriste. Les jeunes, surtout, un tiers ne fréquentent pas de mosquée. Les sports ce dimanche avec les Bleus du tennis qui n'ont plus le choix. Il faut gagner. Les deux simples aujourd'hui pour espérer voir la finale de la Coupe Davis. Le double a perdu hier. La Croatie mène 2-1. Le football, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, c'est ce soir. Clôture de la 5e journée de Ligue 1 avec Monaco toujours leader après sa victoire 3-0 sur Rennes hier. Des victoires également pour Angers, Lorient et Toulouse. 9h31 sur RMC. Vous êtes avec Jean-Luc Moreau et François Sorel, votre auto. Merci beaucoup Thomas et prochain point sur l'actualité tout à l'heure à 10h sur RMC. En effet, on repart dans ce rendez-vous auto. Encore 30 minutes à passer avec Jean-Luc Moreau et vos questions auto au 32-16. On parle de sécurité et surtout le fait d'être perturbé en voiture avec tous ces systèmes d'écran, des smartphones. En écoutant la radio. Non, la radio non, parce que la radio, on écoute simplement. On regarde pas son autoradio tout le temps. Heureusement d'ailleurs. Mais on en parle avec nos invités et n'hésitez pas à réagir. 32-16, à tout de suite. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, RMC, partout, tout le temps. Jean-Luc Moreau, attention, c'est l'heure de la question flash. Eh ben voilà. Et c'est la question d'Henri. Henri qui aurait pu s'appeler Jean-Luc. Et on en rit. Oui, enfin là, oui. Je ne sais pas si vous pouvez en rire. Ouais. Peut-on faire un stage de récupération de points, Jean-Luc, si le solde est nul avant l'invalidation du permis? Vous êtes sûr que c'est une question d'Henri, ça? J'ai l'impression que c'est la question votre nez de Jean-Luc qui s'allonge. Alors, oui, mais il faut la jouer fine. Ah, ouais, il faut la jouer fine. Déjà, il faut connaître son solde de points parce Attendez, que si on, voilà. Ça, c'est le spécialiste qui parle, hein, Jean-Luc, qui a déjà vécu cette situation. Il faut la jouer fine. Vous, il vous reste, par exemple, un point. S'il vous reste qu'un point, il fallait faire quelque chose avant. Ouais. On peut faire déjà un stage de récupération de points tous les ans quand même. Tout à fait. Donc déjà, vous avez 4 points. Si, voilà, vous récupérez 4 points. Donc admettons qu'il ne vous reste que 4 points. D'accord. Et malencontreusement, comme vous êtes daltonien, vous êtes passé au rouge à la place de passer au feu vert. Ouais, ça peut arriver. Vous avez percuté un quart de police qui lui passait au vert de l'autre côté. Ouais. Donc vous aurez du mal à faire croire que vous êtes passé au vert de votre côté. Donc vous perdez 4 points. Et vous savez qu'il vous en restait 4, donc misère, vous allez avoir votre permis qui va être invalidé. Au moment où le facteur arrive chez vous, ding dong, bonjour monsieur François S, je vous apporte un joli recommandé. Alors, vous ne signez pas, vous ne récupérez pas le recommandé. Vous profitez du petit délai pendant lequel ce recommandé va être conservé à la poste. Attention, il ne faut pas que le recommandé retourne. Ah oui, donc on a 15 jours en fait. Voilà, parce que s'il retourne, c'est la date à laquelle il est arrivé au bureau de poste qui va compter. Là, qu'est-ce que vous faites? Petit stage. Vous dites au facteur qui va comprendre, je peux pas le prendre, si je le prends et que je signe, j'ai plus de permis. Je vais vite fait, le lendemain, le surlendemain, faire un stage de récupération de points. Ils me sont crédités à la fin du stage. D'accord. Je récupère 4 points avant d'avoir perdu les 4 derniers points de mon permis. Oh là là là, donc c'est quand joli. On me retirera les points, bah, j'aurai toujours mon permis de conduire. Ça, c'est beau, ça, Jean-Luc Moreau. C'est du vécu, hein, pas de doute. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. 9h34, c'était RMC, le week-end des experts. Jean-Luc Moreau, toujours là, à mes côtés, jusqu'à 10h. Jean-Luc, tout à l'heure, ça sera l'actualité de la semaine avec automoto.com. On va parler d'une enquête nationale Ipsos qui vient d'être dévoilée vendredi, donc vous voyez, c'est tout récent, sur les Français, la mobilité électrique. Vous allez voir que les mentalités évoluent pas mal. C'est bien. Ouais, c'est plutôt positif pour l'avenir. Oui. Bon, le seul truc, c'est que tout le monde roulera en voiture électrique, mais on n'aura plus le droit de rouler en voiture. Comme c'est parti, Paris va être interdit aux voitures, qu'elles soient électriques ou au charbon. Ah oui, même électrique, on peut. Ah oui, bah oui, c'est ridicule. Ouais. Enfin non, cela dit, il y a quand même une politique à Paris. Il y a pas mal de places de parking, etc. pour les véhicules électriques. Oui, mais quand on interdit la circulation, on interdit la circulation de tous les véhicules. Hein. Ouais. On en parle dans quelques instants, mais nous sommes toujours avec Sébastien Rosnay, qui est directeur marketing Pioneer France. Et avec lui, on découvre ces systèmes aujourd'hui qui se connectent en fait à votre véhicule et smartphone. Voilà, qui permettent de synchroniser en fait son smartphone, enfin certaines fonctionnalités du smartphone avec l'autoradio, qui doit obligatoirement, on est d'accord Sébastien, être doté d'un écran. Tout à fait. Alors il existe deux technologies aujourd'hui. La première technologie, c'est CarPlay de chez Apple. Et la deuxième technologie, c'est donc Android Auto de chez Google. D'accord. Alors, qu'est-ce que... Alors, le premier, bon, c'est si on a un iPhone. Oui, tout à fait. À partir de l'iPhone 5. D'accord. Ah, oui. Pas pour c'est, moi. Parce c'est dommage. Que, voilà, bah oui, mais bon, voilà. Et l'autre, à partir de quel... Android. Alors, pour Android, c'est à partir de la version 5.0 que Google appelle Lollipop. D'accord. Voilà. Donc, si on a des, il faut avoir un smartphone relativement récent, on va dire, hein, mais à partir du moment où on l'achète aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans le véhicule, il faut que je le branche malgré tout à un câble. Comment ça marche, Sébastien? Alors, il suffit juste de connecter le smartphone par son câble, d'accord, oui. À l'autoradio. D'accord. Ensuite, le smartphone devient esclave et on prend le contrôle sur l'autoradio. D'accord. De certaines fonctionnalités, pas de tout. Alors, uniquement des fonctionnalités qui vont être utiles à la conduite. Le principe, c'est d'utiliser son smartphone, que le conducteur puisse utiliser son smartphone en toute sécurité, et comme on le disait tout à l'heure, en toute légalité. Donc, garder les mains sur le volant, rester concentré sur la route. Le smartphone va envoyer l'information, notamment l'information de navigation, à l'écran de l'autoradio. Donc on va pouvoir utiliser les fonctions de navigation. On va utiliser les fonctions de main libre pour pouvoir converser. D'accord, c'est-à-dire que toutes les commandes en fait qu'on va donner à son smartphone qui est connecté par un fil à l'autoradio, on va le faire avec la voix. Il n'y a rien, on n'a pas besoin de tapoter l'écran. Alors il y a quelques fonctions sur l'écran, mais qui sont vraiment très basiques et simples, puisque oui. C'est une interface qui est étudiée pour la sécurité, c'est-à-dire une interface qui est vraiment très très simple et intuitive. D'accord. Oui, d'accord. On va ensuite utiliser les commandes au volant qui sont sur le véhicule pour changer de titre, raccrocher, décrocher le volume, et on va notamment utiliser la fonction principale qui est la fonction de la commande vocale. Alors bon, évidemment, sur la Fuego de François, ça marche pas, mais ces autoradios... Alors justement, non. Justement, Pioneer propose des autoradios qui vont pouvoir s'installer sur les véhicules actuels ou les véhicules plus anciens. C'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser ces fonctions CarPlay et Android Auto sur des véhicules récents. Évidemment, tous les constructeurs le proposent maintenant, mais aussi sur des véhicules, les véhicules du parc actuel, puisque donc on propose des autoradios en ce qu'on appelle en seconde montre qui vont pouvoir s'installer, donc même dans la Fuego si vous le souhaitez. Ah oui, voilà. Formidable. Ah, et ça coûte combien malin, parce que quand même. Ça coûte combien parce que si c'est et plus cher que le prix de la Fuego. Jean-Luc, un pionnier dans la Fuego, ouais, ça a quand même une certaine classe. Ouais, mais je vous offrirai l'autocollant moi pour coller sur la vitre arrière Pioneer Inside. Mais ça coûte combien Sébastien? Donc un autoradio capable d'avoir ce type de fonctionnalité connectée, ça démarre à 499 €. Ah, c'est quand même c'est pas un petit autoradio quoi. C'est quand même un truc costaud. Non, c'est pas un petit autoradio. Alors vous avez d'autres fonctionnalités que la fonctionnalité connectée, bien évidemment. Mais encore une fois, le but c'est de pouvoir donner l'usage du téléphone en toute sécurité. Et reviens sur une chose dont vous avez parlé tout à l'heure. On ne lit strictement rien à l'écran puisque tout est dicté vocalement. D'accord. Ah oui, oui. D'accord. Vous disiez justement tout à l'heure qu'on ne pouvait pas lire les informations, on pouvait bien évidemment écouter la radio. Eh bien, si on reçoit un SMS, le SMS est lu au conducteur. D'accord. Et en aucun cas, le SMS n'est affiché. Et on y répond en parlant, c'est ça? Exactement. On y répond tout simplement en parlant. D'accord. Mais on peut aussi interroger, que ce soit CarPlay ou Android Auto, on peut aussi interroger sur la météo, sur des informations trafic sur l'itinéraire, enfin tout un tas d'informations qui peuvent être utiles au conducteur. Encore une fois, il va garder les mains sur le volant puisqu'il va utiliser un maximum ses commandes au volant d'origine. D'accord. Et via le micro qui est déporté dans le véhicule, la commande vocale. Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de se dire au revoir, Sébastien, petit hommage quand même à cette marque mythique, hein, qui est Pioneer. Écoutez. Merci. Et puis je vous donne rendez-vous aussi sur le mondial de l'automobile à partir du 1er octobre. Ouais. Vous avez pensé à venir voir Jean-Luc, vous ouais, vous savez, moi je suis équipé en pionnière du sol au plafond. Ah oui, c'est pour ça à la maison. Donc. Bah oui. Je suis sûr que vous dansez le Mia chez vous. Merci beaucoup Sébastien. Exactement. Cela dit, 499€ l'autoradio, c'est plus cher que ma Fuego. Donc, oui, c'est ça. Et alors, il y a quand même un truc qui marche pas, c'est que si vous voulez mettre Waze, que ce soit sur Android Auto ou Apple CarPlay, ça marche pas. Ça marche pas. Ça, c'est dommage. Parce qu'il y a plein de gens qui utilisent Waze et malheureusement, là, pour le coup, ils tapotent le smartphone. Oui, oui, oui. Et c'est dommage parce que Waze, on le sait, est vraiment très efficace dans ce genre de situation. 9h40, Jean-Luc, on change de sujet. On va parler de mobilité électrique maintenant. Exactement. Avec une enquête nationale Ipsos sur les Français et la mobilité électrique qui a été révélée vendredi, enquête qui a été commandée par l'Aver France et le groupe Mobivia. Et on a avec nous Joseph Beretta qui est président de l'Aver. Bonjour Joseph. Bonjour à tous, bonjour. Alors c'est pas la première fois que vous faites une enquête sur les Français et la mobilité électrique. Comment ça évolue? Est-ce qu'on est de plus en plus électromobilisable? C'est le terme qu'on utilise, hein? Oui, c'est le terme qu'on utilise tout à fait. Mais effectivement, justement, si on n'avait pas constaté il y a 2 ans de grands changements, puisqu'on fait cette enquête pour le Mondial de l'automobile, donc tous les 2 ans, là on a constaté quand même une évolution majeure pour des Français électromobilisables. Et ça va même plus loin. On se rend compte que l'image de la voiture électrique s'améliore de plus en plus et sur des points qu'on ne voyait pas émerger précédemment. D'accord. Alors, quel pourcentage de Français accepteraient ou ont envie de rouler en voiture électrique? Alors, le pourcentage de Français qui envisagerait l'achat d'une voiture électrique, alors ça, c'est des intentions d'achat, mais pour moi, c'est déjà une grande avancée, les intentions d'achat. Ça signifie que quand ils vont faire le choix de leur nouvelle voiture, ils vont mettre en parallèle les voitures diesel, essence et électrique. Donc, ils sont 35%. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Ah ouais, donc un tiers de la population aujourd'hui juge acceptable de rouler en voiture électrique. Ah oui. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans les premiers critères de choix, il y a le respect de l'environnement. Ça, ça paraît fou. Ça paraît fou. Non, c'est l'air du temps. On se rend bien compte que dans les villes, il faut faire très attention à la qualité de l'air. Et justement, ils sont 80% sensibles à cet argument et prêts à changer leurs habitudes. Ouais, parce que les Français, d'habitude, sont quand même plus près de leur portefeuille que de l'écologie. On est bien d'accord. Oui, ça c'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'on a roulé diesel pendant toutes ces décennies. Donc là, aujourd'hui, qui changent leur fusil d'épaule en disant... Parce que ça n'est que le troisième critère de choix, le coût d'utilisation. C'est bien ça? Ah non, c'est le deuxième. C'est le deuxième, d'accord. C'est le deuxième, c'est quand même, ça reste quand même assez prépondérant. Oui, donc ils ont quand même toujours un portefeuille en peau de hérisson. Oui, non, il faut pas se leurrer dans les critères de choix. Le premier, ça reste quand même l'autonomie, le prix et la recharge. D'accord. Ah oui, alors non, j'allais vous parler, moi, des freins. Est-ce que vous avez fait justement une enquête pour savoir quels étaient les freins encore à l'accession à la mobilité électrique? Eh ben, les freins, c'est ça, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie et le prix. C'est les deux qui arrivent en tête. Et l'autonomie, on a même questionné pour savoir quelle est l'autonomie idéale qui vous conviendrait. Et il ressort que finalement, ils sont de mémoire 32 ou 36% à dire 300 km, c'est parfait. D'accord, 300 km. Bon, y a des véhicules qui vont arriver avec 300 km d'autonomie. Oui, c'est annoncé, ça. C'est annoncé, tout à fait, ils arrivent. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la mobilité électrique, de l'écosystème, on est très confiant parce qu'on se dit les véhicules arrivent à 300 km. Les acheteurs, c'est un peu leur critère de sélection, de choix. Donc ça va continuer à progresser. Est-ce qu'ils se sentent bien informés sur justement les nouveautés en matière de véhicules électriques, d'infrastructures? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'on leur donne suffisamment d'informations et qu'elles sont valables surtout? Alors oui, ça s'est amélioré quand même grandement, surtout que ceux qui ont déjà essayé un véhicule électrique, il y en a 18%. Ouais, donc ceux-là, ils portent la bonne parole. Ils portent la bonne parole. Ils sont montés dedans, ils ont roulé avec. Ils l'ont pas encore acheté, mais ils commencent à porter la bonne parole. Et au niveau du sentiment d'information, ça progresse aussi fortement, puisqu'on est à 42% des Français se disent bien informés sur la manière de recherche, par exemple. Parce que vous écoutez RMC, c'est pour ça. Voilà, entre autres. Et puis parce que l'Avers France porte les messages. Et puis pour finir, un petit cocorico, parce qu'on est passé devant la Norvège, on est le premier pays d'Europe en matière de véhicules électriques, c'est ça? On est le premier pays d'Europe en matière de volume de vente et en matière de parc véhicules électriques. On est passé devant la Norvège depuis, je dirais, le milieu d'année. Ouais, bon, la Norvège avec il y a combien de Oui, c'est vrai que c'est 6-7 millions d'habitants en Norvège, je crois. Donc écoutez, parfait, merci beaucoup Joseph. Merci Joseph. Voilà. On se voit au Mondial de l'Auto, j'imagine il y aura beaucoup de choses autour du véhicule électrique. Et s'il faut encore porter la bonne parole au Mondial, je suis prêt à le faire. Et ben ce sera avec plaisir. Mais ce salon de l'auto, ce Mondial de l'Auto sera un bon cru pour l'électrique à votre avis Joseph? Oui. Bah bien sûr. Et je pense que justement, comme on l'a dit, donc il va y avoir les annonces sur l'autonomie, des nouveaux modèles, et tout ça va dans le bon sens. D'accord. Donc le Mondial sera électrique. Bon, le paradoxe, c'est que le Mondial se déroule à Paris, où on va empêcher les voitures de circuler, qu'elles soient électriques ou pas. Voilà, c'est juste... De temps en temps, j'ai envie de râler. Non, mais je comprends. Et franchement, ça mérite, parce que je trouve la décision de la maire de Paris totalement ubuesque. Elle est stupide. Ils veulent améliorer la qualité de l'air et ils font le contraire de ce qu'il faudrait faire. Voilà. Notamment le fait de rendre piéton une partie des quais, sur lesquels avant on pouvait rouler. C'est ça qui vous gêne. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est des voies qui ont été construites spécifiquement pour les automobiles. Oui. Voilà. Afin de désengorger le cœur de Paris, d'améliorer la fluidité du trafic et de diminuer la pollution. Puisque une voiture, plus on la fait ralentir, plus elle pollue. Ça, il n'y a pas besoin d'être... Et on a des vrais chiffres qui prouvent ça. Donc le fait de fermer les voies sur berge... Elle pollue plus à l'arrêt, avec un moteur qui tourne, qu'à 60. Elle pollue plus à 50, on va dire à 40-50 km/h sur les quais. Elle pollue 3, voire 4 fois moins que quand elle est sur les quais hauts, où elle s'arrête, elle redémarre, etc. D'accord. Donc en matière de qualité de l'air, c'est complètement stupide. Jean-Luc, il est 9h47, on revient dans un instant. Le 3216, auto@rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite les amis. RMC, 8h-10h, votre auto. Comment ça alors? Je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main là? Non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. GPS, caméra de recul. Non, franchement, elle est canon ta nouvelle Volkswagen. Tiens-toi bien, entièrement connectée. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Sportsvan All-Star suréquipée est à 300 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2 257 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Porte ouverte ce week-end selon autorisation et réseau participant. Le mois Carrefour! T'as vu que le mois Carrefour repart de plus belle? Ouais, je sais, il y a des promos encore plus renversantes. Oui, regarde. Par exemple, dès mardi et jusqu'à vendredi, on retrouve chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. 80%? Waouh, c'est impressionnant. Maman, faut absolument qu'on y aille, on peut pas rater ça. Évidemment, alors prépare-toi au décollage. Sensation forte garantie. Ça va envoyer! Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Ici, la 308 allure. La berline compacte avec navigation sur écran tactile, projecteur full LED et aide au stationnement à un prix remarquable. Pendant les immanquables Peugeot, la 308 allure est à partir de 249 euros par mois avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 10h-10, c'est RMC. À suivre, les GG du sport qui se préparent, qui s'échauffent. Avec Serge Chimon et Christophe Sessieux, ce sera dans quelques instants. Mais on termine d'ici là, bien sûr, notre rendez-vous auto avec Jean-Luc Moreau. Et on va jeter un œil avec notre espion, l'actu de la semaine qu'on a pu lire sur automoto.com. Exactement. On est avec Lionel Robert, qui est le directeur de la rédaction du magazine Automoto. Lionel Robert qui a endossé sa gabardine. Bonjour, messieurs. Sa gabardine, ses lunettes noires et son chapeau mou et qui a fait l'espion avec un scoop extraordinaire. Vous avez vu, alors ça paraît complètement fou, vous avez vu les futurs DS qui seront commercialisés jusqu'en 2020. Ça paraît complètement dingue. Mais Citroën est au courant ou pas? Mais vous n'avez pas le droit d'en parler, j'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument pas, Jean-Luc. Absolument vous ne pouvez pas en parler. Donc on va demander aux auditeurs de s'éloigner de leur poste de radio et vous allez nous raconter. C'est ça. C'est bon, là, ça y est, ils se sont écartés. Ouais, c'est bon, allez-y. Il n'y a plus personne. Plus personne écoute. Même pas Jean-Luc. On est entre nous. Même pas Jean-Luc d'accord. Écoute. Donc tout va bien. Non, c'est une grande faveur que nous a accordée la marque, en fait, DS, et pas Citroën, de nous présenter leur futur modèle. En l'occurrence, tous ceux qu'ils s'apprêtent à commercialiser d'ici à 2020. Donc c'est un privilège qu'ils nous ont accordé. Et évidemment, on a eu la chance, bien sûr, de pouvoir notamment monter dans certains. Alors, allez-y. Alors, ça commence par quoi? SUV, c'est ça? Voilà, il y aura, ça c'est un secret, on va dire, presque de polichinelle. Mais effectivement, au prochain salon de Genève, donc au printemps, sera dévoilé un gros SUV de la gamme DS. Donc le premier SUV de la gamme DS. Qui s'appellera DS7 Crossback. Crossback, ça va être un petit peu, on va dire, l'appellation de l'ensemble des SUV de la gamme DS. Et c'est un SUV volontairement haut de gamme. Il faut savoir que DS, c'est vraiment la marque premium, comme on dit, du groupe PSA, qu'on pourrait presque comparer, en tout cas, je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il la cible, c'est un petit peu l'Audi du groupe Volkswagen. PSA, d'accord. Exactement, pour PSA, voilà, tout à fait. Ouais. Donc, une automobile de format quand même assez costaud, puisque ça sera un gros Q3, on va dire, donc une voiture qui va dépasser les 4,50 m, donc à vocation particulièrement familiale, avec une esthétique, je dirais, plus sobre que celle qu'on a connue sur les premières DS. Moins de chrome, peut-être, moins de choses un petit peu ostentatoires comme on a pu les connaître sur les premiers modèles, mais quelque chose de beaucoup plus sharp, comme on dit, donc beaucoup plus efficace et particulièrement élégant. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est pour, on va le voir rapidement. Ensuite, après, dans les surprises. Alors dans les surprises, dans au prochain mondial, donc c'est-à-dire pas celui qu'on va connaître dans 15 jours, mais dans 2 ans. Mais dans 2 ans, voilà. Ouais. DS viendra investir un créneau qui est extrêmement porteur en ce moment, c'est-à-dire celui des crossovers urbains. Tout ce qui est aujourd'hui Audi Q2 qui vient de sortir, Mini Countryman, choses comme ça. Et là, ils vont arriver avec un plus petit véhicule du format DS3. On peut imaginer qu'il s'appellera DS3 Crossback, quelque chose comme ça. Un véhicule fabriqué en France, ça c'est plutôt bien pour notre industrie, et qui connaîtra quand même une version 100% électrique. Ça aussi, c'est plutôt intéressant. Ah, c'est une nouveauté, ouais. 100% électrique. Incroyable. Alors que celui qui sera dévoilé à Genève, donc le gros, lui, sera vraisemblablement le premier hybride rechargeable de la gamme du groupe, même PSA d'ailleurs. Alors, encore plus incroyable, ils vous ont emmené jusqu'en 2020. Ils vous ont pas filé les résultats du loto par hasard, en même temps. Non, ils m'ont laissé les clés. Non, je plaisante. Non, mais effectivement, on a eu la chance de voir la future grande berline, on va dire, de DS. Une voiture qui sera fabriquée exclusivement en Chine pour toute la planète. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que ça prouve bien l'intérêt que DS porte au marché chinois qui est extrêmement porteur. Là, on est sur une grande berline qui, là encore, jouera à la fois l'élégance, mais aussi l'habitabilité. Ça sera vraiment le point fort des futurs DS. Là, on est plutôt sur une rivale, Audi A4, BMW Série 3, mais dans un format quand même plus important. Un peu plus long, ouais. Un peu comme fait Skoda, en fait, qui positionne des véhicules plus grands sur un segment inférieur. À tarif équivalent. À tarif équivalent. On peut penser que les DS sont à peu près du tarif des Audi, mais avec beaucoup plus d'habitabilité. Et elle s'appellera DS. Alors elle s'appellera, écoutez, je ne vais pas vous le dire, 8. La seule information que je puisse vous donner, c'est qu'en Chine, le chiffre 8 est particulièrement porte-bonheur. Oui, c'est le chiffre porte-bonheur, voilà. Donc il y a de grandes chances qu'elle s'appelle DS8. Mais je ne vous ai rien dit. On n'a rien entendu, ça tombe bien. Lionel, cette semaine aussi dans Automoto, le top 10 des villes où il fait bon conduire. Oui, alors le top 10 mondial. Mondial, alors, d'accord. Alors, je vais vraiment vous... On peut ouais, redresser. On est assis, allez-y. On peut être fier de se dire que dans les 10 villes où il fait le mieux conduire, on va dire où il fait bon conduire, eh bien, il y en a quand même 9 françaises. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a la ville préférée de Jean-Luc qui est Paris? Alors, Paris est 95e. Ah oui, parce que j'allais dire, et ça, c'était avant la fermeture des voies sur berge, j'imagine, en plus. Sans doute, ouais. Sur les 240 et quelques villes qui ont été testées dans le monde, Paris est 95e, mais la première, alors vous ne devinerez jamais, hein, c'est Valence. Mais le Valence chez nous, hein, pas le Valence espagnol, bien sûr. Tiens, hein. Voilà. Et le podium est trusté donc uniquement par des Français et des villes françaises, puisqu'on a Tours en deuxième position et Le Mans en troisième position. Voilà. D'accord. Et le dernier pays, on va dire, du monde, donc la France étant naturellement le premier pays, enfin même pas le premier pays du monde, parce qu'il est devancé quand même par les Pays-Bas. Donc la France est deuxième à l'échelon mondial. Alors qu'elle était 7e en 2015, et le dernier, alors écoutez, je sais pas, je n'y ai jamais mis les pieds, je peux pas vous dire comment ça circule, mais c'est le Salvador. Voilà. Ah, le Salvador, oui. Donc si vous allez au Salvador circuler, prenez en général, le vélo. C'est ça. Merci voilà. Beaucoup Lionel. Merci Lionel. Automoto.com. Comme chaque semaine. Au revoir, Jean-Luc. On se retrouve dimanche prochain. On en rit, Salvador, évidemment. Hein. Bon, ça sera le mot de la fin. Et je pense que là, on peut maintenant se dire au revoir et se souhaiter un bon dimanche. Christophe est complètement dépité, le pauvre. Il a envie de partir. Moi, à votre place, je vous dirai adieu parce que ça serait comme ça. Parce qu'on en rit, Salvador. Ah oui, on en rit, Salvador. Non, moi là, moi je. Stop. Je baisse les bras. Oui, ben moi, il n'y a pas que les bras que je baisse. Votre femme m'en avait parlé. C'est ça. Allez, moi, c'est la sienne qui m'en a parlé. Les GG du sport dans un instant, les amis. Excellent, oui. On va parler un peu de football. Mais avec le repreneur, McCourte. Franck McCourte est-il l'homme de la situation avec son passé sulfureux? Mais il, évidemment, il génère un espoir fou du côté de Marseille. Un peu de rugby, tiens, ça va vous plaire. Vous ne pouvez pas rester? Les bagarres en rugby, affligeants. Il y a des croissants ou pas? Il y a des croissants. Il y a des croissants, évidemment. Parfait. Et puis un peu de tennis, la Coupe Davis. Voilà. Ça te va? Très bien. Oui, pour le dimanche. Une entrecôte. Pour la Coupe Davis, il est au top, François. Hein. Oui, parce qu'il ressemble à un boulon. Non. Non, Davis, plusieurs mots. Bon, moi, je vous laisse au revoir. Je vais partir. Tout bon dimanche avec sens. RMC. Oui, c'est un moment sur la liste de radio. Et je serai là le week-end prochain. Portez-vous bien. RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. On en parle. La prime éco-énergie d'Auchan, une aide qui peut aller jusqu'à 2000 euros versée sur votre carte fidélité Waouh pour vos travaux de rénovation énergétique. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes propriétaire d'une maison près d'Amiens et vous avez refait l'isolation des combles. Et pour faire baisser la note, vous avez fait appel à Auchan, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ce sont des amis qui nous ont dit qu'on pouvait recevoir la prime éco-énergie d'Auchan. Et cette prime, c'est quoi exactement? En fait, c'est une aide d'Auchan pour faire des travaux de rénovation énergétique. Alors, je sais que le montant de la prime varie en fonction des revenus. Et pour vous, ça a donné quoi? Ah ben, dans notre cas, on a touché 1840 euros. Ah oui. Et comment on fait pour obtenir ces aides? Ben, avant d'engager les travaux, on s'est inscrit sur le site primeenergieauchamp.fr. Mmh. Après, on a choisi un professionnel RGE. Oui. Et les travaux terminés, ben, on a envoyé le dossier complet. Et dans le mois, la prime a été versée sur notre carte de fidélité Waouh. Donc, une aide qui a payé vos cours chez Auchan, si je comprends bien. c'est ça. Bon, eh bien, merci Marie. Rendez-vous donc sur primeenergieauchamp.fr. Et ça, c'est pour tout savoir. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes French Touch. Du 15 au 19 septembre, venez découvrir la toute nouvelle Renault Clio avec son design encore plus séduisant. Et à cette occasion, la French Touch vous sort le grand jeu avec des offres exceptionnelles et une nouvelle Renault Mégane GT à gagner. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Les professionnels du gaz PG. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz, qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation. 30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation? Waouh! Pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 euros, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 euros. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. 9h59, dans quelques instants les informations et puis les grandes gueules du sport, mais tout de suite un point sur une météo coussi coussa. C'est comme ça. Notre présentateur, Kevin Floury. Coussi-coussa, ça vous va comme adjectif? Oui, on peut c'est le dire. C'est pas très technique. Hein, c'est pas très technique. Une météo dégradée, pluvieuse, voilà ce que l'on peut dire, sur les régions de l'Est, avec de fortes précipitations en ce moment entre Dijon et Lyon. Situation qui va rester à l'identique hein, cet après-midi en vallée du Rhône, mais également sur une bonne partie de l'Auvergne. Ailleurs, encore des averses, un temps beaucoup plus ensoleillé sur l'arc atlantique et sur la Méditerranée, et des températures qui auront bien du mal, encore une fois, à dépasser les 25 degrés, tout de même, le long de la Méditerranée. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix de Singapour. 15h, Football Ligue 1, Montpellier-Nice. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Racing 92 Toulon. Et à 20h45, retour à la Ligue 1 avec Marseille-Lyon. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Il est 10h, les grandes gueules du sport arrivent dans quelques instants avec Christophe Cessieux, on essaiera de les dompter pendant 3h. Pour vous, un numéro de haute voltige, mais tout de suite le journal présenté par Laureline Savoie. Bonjour Laureline. Bonjour à tous. La thèse de l'acte terroriste écartée pour le moment à New York. Une violente explosion dans le quartier très fréquenté de Chelsea en début de soirée a eu lieu. 29 personnes ont été blessées. L'engin explosif a été déposé dans une benne à ordures. Une autre bombe aurait été retrouvée à proximité de l'attentat. Écoutez, Daniel Nigro, le chef des pompiers de New York à la fin de l'intervention, c'était sur CNN. Il y a eu 29 blessés dont un grave. 24 de ces personnes blessées ont été transportées dans des hôpitaux du secteur avec des degrés variés d'égratignures, d'éraflures. Heureusement, aucun de ces blessés ne souffre de blessures potentiellement mortelles et les 24 personnes transportées à l'hôpital ne sont pas gravement blessées, sauf une. Et puis dans le Minnesota, état du nord américain, 8 personnes ont été blessées à l'arme blanche dans un centre commercial. L'assaillant a été abattu. Une fausse alerte hier en France, dans le